Ce n'est pas le mai, mais c'est Christophe Toussaint. Et c'est octobre, mais la voix claire de Christophe nous annonce la belle automne. Voilà, donc ce soir, vivre à la montagne, avec cet indicatif qui est souvent de Christophe Toussaint aussi. Et ce soir, bah, les mai, pour espérer un printemps prochain. Après l'hiver. Donc, ce soir, une émission consacrée à divers sujets que je vais vous énumérer. Voilà, donc ce soir, cette voix de Christophe Toussaint qu'on a entendue il y a un mois lors de notre pièce Le bal de toute vie, et il chantait ce « Mais nous venons de mes entrées, que votre mari ne soit ni mort ni pris, ni en bataille rencontré », dit-il en patois là. Et c'est en effet un chant de la guerre de 30 ans, et c'était aussi une époque terrible à ce moment-là, et pourtant le chant espérait le mai. Alors ce soir, nous aurons une suite de sujets qui commenceront par la conclusion de la voie verte du mois d'avril. Du mois de juin, allons. Donc, parce que j'étais sur le mai encore. Mai, avril. Donc, la conclusion de la voie verte à Cornimont, l'autre jour, avec le parc des ballons et le centre de la Pranzière. Puis, nous vous ferons écouter, nous irons dans la plaine, là-bas, des Vosges, où chaque mois se célèbre la Sélénite. Et cette fois-ci, c'était un atelier d'écriture d'automne qui a été le fleuron de ce mois d'octobre, de ce 9 octobre, suivi par des poèmes. Nous aurons ensuite, nous irons à la Bresse, où l'excellent petit théâtre nouveau des 100 scènes, qui ont pourtant une scène maintenant, nous a donné Les théâtres sans animaux de Jean-Michel Ribes. Remarquable, on écoutera ça. On ira un petit peu faire un tour au Tio, les élèves, dans le club radio, qui marche avec Radio des Ballons, eh bien, étaient en train de créer des poèmes. Déjà, un petit peu en prélude au printemps des poètes. Et puis dis-je, donc on ira à nouveau à la Sélénite, hein, dans le moment de recueillement où la lune apparaît et le feu s'élève sous la lune. Et puis, on ira un petit peu en fin de soirée sur l'actualité culturelle qui était les assises culturelles du département mardi dernier. Voilà, alors ça fait une longue soirée, vous voyez bien à peu près les horaires, mais c'est fort néanmoins intéressant. Et les séquences vous sont annoncées, je vous demande de rester, si vous le voulez bien. En tout cas, moi, je reste forcément. Land of the seas, green land of mine, borders of sand, borders of sand, riddled with dreams, green land of ours, days of misfortune and days of doubt are gone with the time, and days of hope to settle down will come. Donc, allons à Cornimont par ce moment ouvert avec Dan Arbraz, aussi des airs qu'on aime bien, des airs celtiques. Et là, c'était le retour de la voix verte à la Pranzière. Et c'est Antoine Laurent que vous allez entendre. Voilà, c'est fait. Vous allez l'écouter tout de suite. Voilà. Alors, messieurs, dames, j'en prends une, puisque j'en avais une différente. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux jeunes qui sont présents. Alors. Je n'ai pas préparé de discours, je vais essayer de faire ça avec un peu de tête, un peu. Voilà. Il y a quand même quelques excuses. Donc il y a Marie-Jo Clément, Madame le maire de Montréal, qui ne pouvait pas être présente, qui est représentée par Marie-Jo. Il y a Christine Gérin, la présidente de l'espace culturel, qui ne pouvait pas être là, qui est représentée par différents membres du conseil d'administration. Je remercie Alain Bougel du Parc des Ballons d'être présent. Je pense que ton président n'a peut-être pas pu venir. Il a dit voilà, Alain, il va, c'est bien. Alors, je remercie surtout tous les partenaires aussi hein, de ce projet des jeunes graines d'avenir. Donc, un projet qui a été effectivement soutenu donc, par le Parc des Ballons, par la Cave des Vosges. Et aussi par une large contribution de l'association Balas, d'un point de vue financier. Je remercie tous les partenaires qui ont œuvré sur le projet qui s'est déroulé en plusieurs phases. Mais là, aujourd'hui, on est plus là pour parler peut-être de ce qui nous a tous réunis, parce que Balas a eu des projets seuls ou avec les scolaires. Recréer, c'était un projet d'un cortège, donc je remercie Vincent de Courbis. Et puis ses collègues de l'association Recrée d'être présents aussi. Donc il y avait le cortège qui arrivait le jour de la fête du vélo, le 12 juin, à Cornimont. une espace culturel forcément qui s'est investi sur cette journée. Il y a des jeunes qui ont participé, qui ont tenu une buvette par exemple avec Nathalie dans l'esprit de récolter un peu des cofinancements pour partir en séjour. Et puis il y a des familles qui ont participé, qui sont présentes ici, à un des ateliers qui avait été mis en place avec un artiste François Klein, ici, il n'est pas là mais il est là, avec François Klein pour la création d'épouvantails qui ont été plantés, vous le voyez là-bas, le long de la voie verte, là où ont été plantés par l'association Ballast et les écoles des arbres fruitiers. Voilà. Donc c'est vraiment un projet à multifacettes, à multi-partenaires. Oui, parmi les partenaires, il faut signaler le comité départemental FNCTA avec Vincent Palmas, et qui fait partie de ce collectif Voie Verte qu'on avait créé avec Recré, donc, et le FNCTA. Voilà. Merci pour cette précision, Vincent. Donc, Vincent, voilà, ici présent. Donc, je remercie aussi tous les bénévoles, tous ceux qui ont préparé ce petit pot de, clôture du projet, de restitution. Donc, je remercie bien évidemment Michel Laurent, qui est ici présent. Donc, il avait été missionné pour suivre le projet. Il l'a suivi en long, en large et en travers. Ce qui nous amène aujourd'hui à cette exposition que vous pouvez découvrir. Et donc, on a souhaité mettre en avant, au travers de cette exposition, différents temps du projet. Donc d'une part, l'atelier qui avait eu lieu pendant les vacances de Pâques sur la création des épouvantails. Il y a eu après la plantation des épouvantails. Et puis, il y a la manifestation du 12 juin en tant que tel, avec tous les ateliers animés par Valas, tous les ateliers animés par les partenaires de l'association Recré, et puis le petit stand de buvette que le CSP tenait. Voilà. C'est donc l'objet de cette exposition qui, je pense, vaut le coup d'œil. En tout cas, il y a vraiment de belles photos, mais qui rendent compte du beau projet que c'était, puisque là, on a de faire la réunion de bilan avec les partenaires. Et je pense que les partenaires ne contrediront peut-être pas, mais on peut être satisfait du projet que l'on a mené, qui s'est échelonné sur... 6 mois. Ce que l'on pensait, c'est éventuellement peut-être donner la parole aux uns et aux autres s'ils veulent présenter un petit peu leur action. Peut-être qu'on peut donner la parole aussi à des jeunes qui se sont investis avec Nathalie. C'est un peu à la bonne franquette, c'est pas préparé, on ne va pas être très. Dans un cadre très formel, on va dire, mais on peut échanger si vous le souhaitez. Bonsoir. Entrez, bienvenue. Voilà, et puis après, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour la voir, il faut que tu mettes en ligne sur ton côté. Ouais. Alors, je ne sais pas, l'accès. Il faut qu'on regarde ça. Là, parce que là, c'est vraiment un échantillon. Je ne sais plus combien il y en a. Il y a 20 ou 24 ? 22. 22. Bon, voilà. 22 photos, mais Michel, on a pris. Je pense qu'il y avait plusieurs 200, 300, 400. Oui, il y a eu toutes les journées. C'est ce que je disais. Il y a eu ce qui s'est fait en amont quand Ballast a planté des arbres avec les scolaires. Il y a eu l'atelier. Vraiment tous les moments ont été mis en avant et ça représente, je ne sais plus combien de photos, mais un nombre assez impressionnant. Voilà. Vous pouvez l'émerger sur le site de CSP. Il faut qu'on regarde le site, si on peut trouver pour faire un lien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des partenaires qui veulent dire un petit mot ? Un tout petit mot, mais peut-être Vincent Palmas qui a fait un mot. Dans le cadre de la FNCTA nationale, qui a parlé de cette fête. Donc pour nous, c'était le plaisir de travailler avec Ballast, avec le CSP et puis tous les partenaires. Voilà, et de refaire vivre cette fête de la Voie Verte que Ballast avait lancée il y a longtemps et qu'on avait relancée en Moselle, mais qu'on a voulu relancer en Moselotte et qu'on espère faire relancer. Voilà. Et nous, on était simplement ce coup-ci appuyés sur la Comcom. Mais bon, voilà. Mais on va continuer comme ça. Et peut-être que Vincent, un petit mot. Voilà. Je ne sais pas si l'association d'Alast souhaite en dire un petit mot. Qui ne connaît pas l'association d'Alast? Non, mais c'est vraiment un projet que vous avez mené sur le long terme, puisque vous aviez même commencé le projet avant que l'on dépose l'appel à projet au niveau du parc des Vallons. Il y a des actions qui avaient été entreprises avant. Et puis il y a des actions qui ont été entreprises tout au long des semestres de l'année 2022. Il faut savoir quand même, on vient d'en parler tout à l'heure, que ça a quand même concerné 203 gamins de 9 classes différentes qui ont été impliqués dans le projet. Il y a Ariane qui est ici présente, qui avait organisé donc, elle, le stage en famille autour des épouvantails. Donc je ne sais plus combien de personnes exactement ça a concerné, mais... Les 5 familles. Qui sont présentes ici. Voilà, et puis la manifestation en tant que telle, c'est vrai qu'on n'a pas encore le bilan, je ne sais pas, on n'a pas fait d'estimatif de la journée du 12 juin, mais il y a eu vraiment... le site n'était pas très vaste. On avait parfois l'impression qu'il n'y avait pas grand monde, mais il y a eu du monde tout le temps en continu. Voilà, franchement, ça a bien fonctionné. Voilà. Je crois que c'était le choix de journée pour les gamins. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Donc finalement, on va me demander 500 euros de plus au parc. Bon, l'année prochaine, si tu veux faire un projet, on va y réfléchir. Non, non, mais... C'est des beaux projets intergénérationnels, on s'aperçoit que... Prends un petit peu. C'est du bonheur. Non, mais tout à l'heure, Marie-Bonne en parlait par rapport à l'impact que ça a eu. Par exemple, là, il y a une classe de Tchéfos, mais tu peux le dire mieux que moi. Disons, dans le cadre de ce projet, on a participé avec les... 9 classes de la vallée à l'opération savoir rouler à vélo. Donc il y a beaucoup de classes qui se sont équipées en vélo, pour les enfants qui n'en ont pas, mais les élèves. Et puis il y a eu beaucoup de séances, de préparation à plusieurs sorties à vélo. Et maintenant, il y a une classe de Tchéfos qui continue, puisque hier après-midi, ils sont déplacés. Il y a une classe qui s'est déplacée à Saulsur pour aller voir l'exposition sur les légumes marocains. Alors, au lieu de prendre un bus, ils ont pris leur vélo pour aller voir cette exposition. Donc, pour nous, c'est un petit succès. C'est un encouragement. C'est juste signalé par rapport au projet des arbres, c'est-à-dire qu'en lien avec le faire de pommes, on a planté des arbres, j'ai fait. Avec leur technique, ce sont des arbres fruitiers, semble-t-il, adaptés au climat. Donc pour permettre aux enfants de connaître autre que les pommes qu'on achète habituellement au supermarché. Donc ces arbres-là sont pour l'année dernière. On va renouveler l'opération cette année dans la vallée de la Moselle, avec d'autres classes partant sur le projet. Donc c'est pour appeler les enfants à s'accaparer l'arbre qu'ils ont planté à l'occasion. C'est dans la durée. Et pour utiliser la volaire, si possible, autre que la volaire. Il y a des pommiers, des figuiers, des. Donc, les enfants qui avaient participé à la journée du 12, vous l'avez trouvé bien, c'était bien. Les activités. Il a expliqué son projet. Ah ouais. Ils étaient vraiment satisfaits. La diversité des ateliers, c'était vraiment chouette. C'est ce qu'on a essayé de rendre compte au travers de l'expo. Hein. C'est pour ça qu'il y avait un concours de dessin, il y avait le parcours en vélo, il y avait les ateliers de réparation de ballast, il y avait vraiment des choses très diversifiées. C'est vraiment... Pardon ? Oui, violoncelle à roue, oui. Moi aussi. On n'a pas pu mettre en avant tout, je vous dis, c'est. Voilà, mais. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont participé avec toi, Nathalie? Oui, il y a des jeunes qui ont participé, effectivement, mais qui ont missionné en fait. C'est vrai? C'est les jeunes qui sont là-bas? Oui, ils ne se sentaient pas de prendre la parole et qui m'ont donné. C'est vrai. Voilà. Donc, je vous présente Rémi, Paul, et j'ai vu là-bas, il y a mademoiselle Madeline qui est arrivée aussi. En fait, juste pour rappel, ces jeunes sont partis dans le Jura au mois de juillet. Ils étaient partis d'un groupe de 7 ados. Et donc, toujours dans l'esprit culturel de faire participer les jeunes qui soient véritablement acteurs de leur projet. Donc, ils ont tenu un stand, spécifiquement cette photo-là, avec Rémi et son célèbre Bob, et sa sacoche. Ils ont tenu un stand de boissons et petites restaurations, voilà, qui a super bien marché. C'était un franc succès puisqu'on a tout vendu. On n'avait vraiment plus rien à vendre. Ils avaient participé en confectionnant eux-mêmes des petites douceurs sucrées. Il y avait des glaces aussi qui ont été vendues. Donc il y a presque 600 euros de vente qui ont été réalisés sur cette journée-là. Et ces 600 euros ont permis justement le financement d'une partie des loisirs du séjour Jura. Donc je voulais profiter, voilà, de vous donner la parole pour vous les présenter, pour les remercier d'être là ce soir et de représenter le groupe voilà, du Jura de 2022. Donc, merci à vous. Voilà. Donc, écoutez, on peut vous laisser découvrir l'expo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Pour ceux qui l'ont vu, bien sûr. Donc, on a choisi de mettre une expo avec du texte pour qu'elle soit compréhensible. Et l'idée d'une expo, c'est qu'elle navigue ailleurs. Donc, ce serait bien qu'à l'issue de ce mois ici, qu'elle puisse aller ailleurs et tourner, parce qu'elle est intemporelle, elle est cohérente. Et ça parle de plein de choses qui ont été faites en nous, mais ça peut être vu par plein de gens. Et la deuxième chose que je voudrais dire, j'en profite parce qu'il y a quelqu'un d'Amérique là, c'est qu'il serait bien de changer l'hydrogène par des LED. Parce que si on veut être cohérent sur les économies d'énergie, il faudrait mettre des LED. C'est à vous que je dois le dire. Oui. Voilà. C'est dit. On a dit que vous allez faire ça même pour l'expliquer. Moi, je vous le dis dans les yeux, il faut changer les LED. Les changer par des LED. Parce que là, on a une grosse consommation d'énergie. Oui, pas... c'est sûr. Voilà. Et que je pense que ça... Oui, ben on commence un petit peu, même l'éclairage public, tout ça. Ouais, c'est bien. On commence à aller dans le LED. Le souci qu'on a, c'est que cette salle d'expo, elle est verte quand elle est éclairée, mais comme ça consomme l'énergie, on n'éclaire pas. Ah ben... Et donc, je le dis devant témoin, il faut changer l'énergie. Voilà. Voilà. Merci. Donc il y a Tounia qui est présente ici pour la radio Résonance FM, que l'on remercie. Alors, donc l'idée c'est aussi de faire témoigner quelques partenaires, quelques personnes. Je crois que Vincent il est là aussi pour la radio. Bonjour, oui. Ah, oui. Voilà. On ira en même temps. Oui. Oui. Donc voilà, donc je vais m'absenter de toi. Mais enfin, t'as pas enregistré mon audition. Si, j'ai enregistré. Je sais pas si finalement. Qu'est-ce que tu veux que j'enregistre? Je vais l'écouter pour être témoin. Ouais, c'est bien, c'est bon. D'accord. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant aussi pour la radio de rendre compte de notre projet, c'est aussi qu'il y ait quelques témoignages. Donc, les jeunes qui sont là-bas, qui n'ont pas osé, mais moi, je pense qu'avec avec Nathalie, avec Tounia, dans l'intimité d'un petit bureau, ils peuvent dire un peu leur ressenti. Ah oui. Les différents partenaires aussi, les familles qui ont participé au projet des étrangers. Ah mais tout à fait, oui. Ben, tous ceux qui ont à un moment participé au projet. Donc je peux mettre mon bureau à disposition ou on peut mettre celui de l'accueil à disposition. On peut même mettre juste à côté, hein, parce que le bruit. Mais après, il va y avoir peut-être un peu de brouhaha. Une fois que les gens auront bu un verre. Ah, ouais. L'idée, c'était de peut-être prendre une photo avec les jeunes, si c'est possible aussi pour vos jeunes matins. Oh, mais alors. J'en ai déjà fait une, mais comment on fait? Non, c'était. Je ne sais pas si tout le monde est dessus, mais. comme c'est une proposition. On peut faire. On peut, oui. Non, mais j'en ai fait une. Ouais, ça va. Ah, ok, ça marche. Ouais. Est-ce qu'on les réunit tous ou Non, mais c'est bon, ça va. Merci. On peut écouter. Oui, donc. Le reportage que m'avait envoyé Toumia de Résonance FM, je vous le passerai une autre fois, je ne l'ai pas là. Et en tout cas, cette exposition continue jusqu'à jusqu'à la fin du mois, voilà, à Cornimont, à l'espace de la Pranzière. Voilà, qu'on se le dise. Bambinelle ou par les nouvelles polyphonies corses. Et ça va très bien avec le sujet qui nous arrive là, qui est la sélénite. En fait, la sélénite, c'est chaque pleine lune, une sorte de rencontre où on célèbre l'astre, mais aussi au moment des césures de saison. Ça ne s'est pas fait à l'équinoxe, ça s'est fait un peu après. Marie Pascal, qui anime ses journées et soirées, eh bien, nous a concocté un atelier d'écriture dont je vais vous donner la quintessence. Et c'est environ une petite heure, mais ça vaut le coup, hein. C'est bien. Voilà, allons à la sélénite, déjà à l'atelier d'écriture d'automne. Donc là, on va faire un petit partage de ce que vous écrivez, au final. Ensuite, alors on va le faire peut-être pas en tour de table, mais quand un texte est dit, un autre vient. Oui, oui. Hein, voilà. D'accord. Donc. En inspiration. J'ai pas fini. Ah, d'accord, on attend que tout le monde est fini. Je démarre, j'ai mon texte. Alors en fait, il est anachronique, c'est pas poétique. Non, parce que ça, c'est après. Moi, je veux le texte pur. Oui. Le texte pur, bon. C'est ça. J'ai déjà vu un mec qui fume les cigarettes les plus courtes parce qu'il ne les compte pas. Pour en avoir d'avance et ne pas en perdre une taf. J'ai déjà vu un mec avec le bec du parapluie accroché dans un arbre, sec comme un pendu. J'ai déjà vu un mec assis sur 4 chaises pour attendre de la visite. J'ai déjà vu un mec rasé pour se rappeler de sa cicatrice. J'ai déjà vu un mec, même une fille, dans un couloir qui prenait la même direction dans la file d'attente pour voir plus grand. Eh bien, j'ai déjà vu un mec qui dansait le combat en faisant des pointes. J'ai déjà vu un mec, maintenant c'est bien. Mais j'ai déjà vu un mec de la bonne table accroché à sa serviette, à 500 000 la serviette, faire des baguettes, des baguettes. J'ai déjà vu un mec, disons, l'univers des plantes, né de la fleur acacia. J'ai déjà vu un mec, une émotion, une raison, allitération, archer, atrion, violon, élucubration. J'ai déjà vu un mec qui savait tout de même ce qu'il avait oublié. J'ai déjà vu un mec sérieux comme une queue de pie qui blaguait avec les oiseaux. J'ai déjà vu un mec acheter de la viande comme du savon. J'ai déjà vu un mec en blouse plus doué que le docteur qui vous laisse le choix du médicament. J'ai déjà vu un mec à toute heure, à l'heure, à tout à l'heure, même un mec facteur. J'ai déjà vu un écrivain tourner une page. J'ai déjà vu une fille accrochée, poivrée sur mon steak, même d'une bulle de forme. J'ai déjà vu une fille avec des formes, généreuses, secouer plus vite son orangina. J'ai déjà vu la forme, elle ressemble à transpirer dans la nuit. J'ai finalement bu la nuit, c'est chouette, Hulotte. Merci, Christophe Philippe, nouveau texte. Tu n'avais pas demandé de lire ton texte, mais... Ah, mais je savais très de ça, moi. Mais c'est pas grave, on a la primeur. On va continuer, on va quand même faire cet exercice. Oui. Donc à partir du... Merci, hein. Mais écoute pas. C'est pas grave. On fera dans la deuxième étape. Là, c'est juste, Christophe, le petit commencé que tu as récupéré. Oui. Alors, donc, ça donne ça pas, mais, non, tu le places après. Bah oui, hein, c'est plus poli. Peut-être à la fin, au milieu et tout, mais on va démarrer par Evelyne. Alors, c'est ce que le petit texte... Donc, alors, ouais, de... que j'ai fait... Le texte brut. Donc là, on est dans la diction et on va vraiment partager des choses qui n'ont rien à voir, puisque, enfin, normalement, hein, ça va être très hétéroclite. Et, mais par contre, ce que vous avez envie de dire par rapport à votre texte, on va y venir après, en étape. J'aurais pu la mettre avant, c'est pas grave là. Mais non, parce que voilà. La distance par rapport au texte, on va l'aborder comme un commentaire composé par rapport à votre propre texte. Donc. On va vraiment s'y faire. Alors, Evelyne, tu démarres. Dis-moi ce que je dois dire. Ton petit texte. Du départ. Oui, le final. Voilà, ouais. Et ensuite, ce sera... on continue avec Ada. Mm-hmm. On continue ensemble. Avec toi, avec Vincent, avec Ségolino, avec... voilà. D'accord ? D'accord. Ça marche ? C'est parti. Les pêches, les pommes et les poires que soi-disant l'on mange pour soi-disant donner une belle peau me font mal au ventre. La colère me prend. Je vais plutôt offrir des fraises à mes amis pour fendre la glace et ne plus me couper les cheveux en 4. Je pense ramener bien plus à ma mère que quelques fruits, mais je n'ose pas. Pour poursuivre, si vous pensez que vous pouvez vous inscrire après, allez-y. Dans un lit, une fée a sonné. Est-ce l'heure du roi péchier ? Ce mondèle ronde, peau d'âne malade. Errer la déesse où eux trouvent un blé dur, cailloux en chemin. Merci. Beau texte. On y va, on continue. Je crie, je crie, je crie. On, c'est qui ? On et qui ? On, c'est qui ? Les danses dansent, s'écrient, crient, en balles virant, flammes, soleil, feu de femme, amour des mondes. Vie, vice, vif, le sang de l'univers. Je sortis mon hautbois, je jouais de la musique. Les chœurs m'accompagnaient devant leur partition, le souffle court, sans un bruit, sans un faux bruit. C'est chouette la nuit, transpire la forme. Secouez plus vite votre orangina, forme généreuse, une fille. Mon steak, tournez une page écrivain. Même un mec facteur à l'heure, en blouse doué docteur, acheté sérieux, queue de pie, avec les oiseaux, qui savaient tout de même ce qu'ils avaient oublié. L'univers, la bonne table, maintenant c'est bien. En montagne, c'est pas facile de rester à plat. Magnifique. Et vous avez vu comme c'est intéressant ce qui vient de surgir. Et moi, j'ai presque envie de découper, qu'on fasse un commun, qu'on va rassembler ces choses-là. Excellent. Et les placer. Est-ce que, à votre avis, ça a été dit ? Est-ce qu'il y avait moyen de placer autrement dans la suite ? Dans la suite. Parce que tu veux que ce soit un œuvre collectif, c'est ça ? C'est un collectif. Ouais. Oui. Là, c'est un. 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux qui s'imbriquent pour faire l'histoire. C'est un petit récit en fait. C'est là où ce qui est beau, on pourrait peut-être essayer de partager en trois parties le petit texte. Oui. Et alors, trois parties. On est quoi ? Ouais. Mais c'est un peu à la Prévert du coup. C'est Alice à la Prévert. C'est une sorte de croisée après, je sais pas. Oui. Secouez-moi, tu mets en plein milieu là. Non, je mets là en plein milieu, secouez. Là, on peut te faire un truc à la Prévert. Hein. Ah, vraiment, avec les mots, on peut te faire un truc à la Prévert qui colle. Hein. Alors, moi, je peux vous dire. Redis ton texte. Non, film. Une seule phrase qui me va bien. Juste une phrase. Mais elle veut qu'on redise tout, ça ne fait rien. Faites ce que vous avez envie de faire. Ce qu'ils avaient oublié, l'univers, la bonne table, maintenant, c'est bien. Ce qu'ils avaient oublié, l'univers, la bonne table. Maintenant, c'est bien. Bien. Ce qu'ils avaient oublié, l'univers, la bonne table. Moi, j'aimerais bien le texte que tu avais fait, quoi. Ah, tu veux tout le temps ? Oui, bah oui. Bon, d'accord. C'est chouette la nuit. Transpire la forme. Secouez plus vite votre orangina. Forme généreuse, une fille. Mon steak, tournez une page d'écrivain. Même un mec facteur à l'heure, en blouse, doué docteur. Acheter sérieux, queue de pie avec les oiseaux, qui savaient tout de même ce qu'ils avaient oublié. L'univers, la bonne table, maintenant c'est bien. En montagne, c'est pas facile de rester à plat. Les pêches, les pommes et les poires, que soi-disant l'on mange pour soi-disant donner une belle peau, me font mal au ventre. La colère me prend. Je vais plutôt offrir des fraises à mes amis pour fendre la glace et ne plus couper les choux en quatre. Je pense ramener bien plus à ma mère que quelques fruits, mais je n'ose pas. Je crie, je crie, je crie. On, c'est qui ? On, c'est qui ? On est qui ? Un poissonneur du pêchier, elle est ronde. Le hola, car une poney âme, son croc escarquille. On trouve blé en eux, caillou que fuit. Féuli, est-ce du roi, maladère, semon, et déesse, endure le schéma du un. Les danses dansent, s'écrient, crient, en balles vivant, virant, flamme, soleil, feu de femme, amour des mondes, vie, vice, vif, le sang de l'univers. Je sortis mon hautbois et je jouais de la musique. Les chœurs m'accompagnaient devant leur partition. Le souffle court, sans un faux bruit. Bravo, super. Et je prends son, comme ça j'ai le texte. Et on redit le texte comme ça et on le petit extrait. Ouais. Pas le texte initial. C'est trop long pour toi. Non, pas le premier, hein. Je comprends pas ce qu'on a fait. Ah ben on relit, on recommence. On recommence. On refait une diction. La troisième fois. En réécoutant, on se met vraiment à l'écoute de la totalité de ce qui se passe, hein, de l'histoire en fait. Il y a quand même un truc qui émerge. Chouette, la forme, plus vite, une fille, tournée, facteur à l'heure, docteur, queue de pie, avec les oiseaux. L'univers, la bonne table, c'est bien. En montagne, c'est pas facile de rester à plat. Les pêches, les pommes et les poires que soi-disant l'on mange pour soi-disant donner une belle peau me font mal au ventre. La colère me prend. Je vais plutôt offrir des fraises à mes amis pour fendre la glace et ne plus couper les cheveux en quatre. Je peux ramener bien plus à ma mère que quelques fruits, mais je n'ose pas. Dans un lit, une fée a sonné. Est-ce l'heure du roi du péché? Ce monde aile ronde, peau d'âne malade. Errez la déesse où trouve un blé dur, caillou en chemin. Je crie, je crie, je crie. On, c'est qui? On, c'est qui? On est qui? Les danses dansent, s'écrient, crient, en balles virant, flammes, soleil, feu de femme, amour des mondes, vie, vice, vif, le sang de l'univers. Je sortis mon hautbois et je jouais de la musique. Les chœurs m'accompagnaient devant leur partition, le souffle court, sans faux bruit. Merci. Alors, alors, est-ce qu'on est dans les deux... Vous avez besoin de vous mettre dans le même sens Vous reconnaîtrez. On commence par Christophe, Edline. Voilà, en fait, la répétition de ce poème collectif en bribes personnel a continué un petit peu dehors au soleil. Ouais. Vous y arriverez ou il faut qu'on se mette dans l'ordre? C'est peut-être plus facile de se passer. Voilà, en fait, il s'agissait effectivement d'organiser un souffle collectif et c'est ce que Marie-Pascale nous a demandé une quatrième fois. Bon, on va quand même écouter un petit peu les bribes de cette quatrième fois. C'est parti. Chouette, la forme, la nuit. Plus vite, une fille, tournée, une page d'écrivain. Facteur à l'heure, doué docteur, sérieux queue de pie, avec les oiseaux, l'univers, la bonne table, maintenant c'est bien. En montagne, il y a de la neige, je reste à plat. Les pêches, les pommes et les poires que soi-disant l'on mange pour soi-disant donner une belle peau me font mal au ventre. La colère me prend, je vais plutôt offrir des fraises à mes amis pour fendre la glace et ne plus couper les cheveux en quatre. Je peux ramener bien plus à ma mère que quelques fruits, mais je n'ose pas. Dans un lit, une fée a sonné. Est-ce l'heure du roi péchier? Ce mondel ronde, peau d'âne malade. Errez la déesse où retrouve un blé dur, caillot. Qui est en chemin. Je crie, je crie, je crie. Je crie. Vas-y, crie. Allez, d'abord. On sait qui. On sait qui. On est qui. Les danses dansent, s'écrient, crient, en balles, virant flamme, soleil, feu de femme, amour des mondes, vie, vice, vif, le sang de l'univers. Je sortis mon hautbois et je jouais de la musique. Les chœurs m'accompagnaient devant leur partition, le souffle court, sans un faux bruit. Merci. Oui. On avait fruits ? Oui, fruits. Oui. Déesse ? Déesse, oui. Danse. Danse. Musique. Queue de pie. Il m'en manque un. Cri de pie. Alors, voilà, je vous invite à les reporter sur votre... J'arrête de parler, j'écris. J'arrête de parler, j'écris. J'arrête de parler, j'écris. C'est trois fois que je l'ai dit. Je laisse les paroles collées à la glu des oreilles qui aiment les papillons, qui s'envolent, qui jouent et qui interprètent et qui se retournent. Je prends les mots et je les grave. Je les grave dans la pierre de la vue. Et revenir à l'œil, revenir sans faute. Parce que maladie, c'est ce qu'on n'a pas dit. Parce que la mal écrit, c'est ce qu'on n'a pas écrit. Parce que si on écrit, on crie. Et on crie. Et on crie à effrayer les papillons des paroles. Bravo. Merci. Tu peux dire aussi dans la foulée le texte abouti à la fin, le petit cours. C'est... Je crie. On, c'est qui? On est qui? Il a été écrit par rapport à après ton tri. Tu as utilisé la forme de ce qui te vient à l'esprit, ce que tu fais, du présent, du sang. Voilà. Je te dis que ce matin, j'ai décidé d'écrire avant de partir. Puis je me dis, voilà, peut-être qu'il faut arrêter de parler et puis on écrit. Parce que parler, ça ne veut rien dire. Comment tu sens ton texte? Est-ce que tu pourrais en le définir? Mais je ne vais pas le définir. Je te dis pourquoi je l'ai écrit. C'était quelque chose qui n'a pas été, si tu veux, c'était quelque chose où, en fait, j'ai imposé mon ego face à un autre ego. C'est rien d'autre, parce que, si tu veux, il y a eu une confrontation. Il y a eu simplement une confrontation, on m'impose quelque chose, et je ne suis pas faite pour qu'on m'impose des choses, parce que je suis quelqu'un de vachement indépendant, vachement intègre. Donc, quand on m'impose des choses, je réponds à quelque chose. Mm-hmm. Et donc, si tu veux, ce n'est pas un duel, mais c'était une réponse à une demande. Forcément, la réponse étant à une demande, elle a répondu en conséquence au ressenti que la demande m'a été faite. Parce que trier des choses de ce que j'ai écrit jusque-là, ça n'aurait absolument pas correspondu ni à l'instant, ni à l'événement. Et c'était quelque chose qui était écrit pour l'événement. Parce que, si tu veux, imposer une écriture, ce n'est pas laisser libre cours à la création. Voilà. Et en même temps, parler, ça, on laisse pas de trace. Les ateliers d'écriture, c'est de fonctionner avec des contraintes. Mmh. Et ça, c'est exceptionnel, c'était une contrainte préalable, de faire le tri. Mmh. Je voulais faire quelque chose de différent. Je voudrais faire un travail par rapport à votre propre écriture. Donc, alors maintenant, dans ton état, pendant que tu écrivais, tu étais comment? T'étais paisible, t'étais... Oh non, mais de toute manière, je le fais parce que j'avais envie de le faire. Parce que si un sentiment de bien-être. C'est pas une question de bien-être, parce que moi je ne fais pas ça dans une démarche de recherche du bien-être. Donc je n'estime pas c'est que j'aime. C'est pas ça, alors c'est quoi? Moi, ce que je te demande, c'est de nommer l'émotion, tout. Nommer l'émotion, déjà pour te faire plaisir à toi. C'était pour te faire plaisir à toi, parce que je sais que tu as besoin de créer, d'avoir la technique d'écriture, pour t'accompagner dans ta démarche, parce que je trouve que c'est vachement intéressant dans nos campagnes qu'il y a quelqu'un qui prend une initiative. Donc c'est pour te soutenir, toi. Donc c'était ça. Et maman, et puis aussi ce que je voulais, si tu permets, en dehors du fait de soutenir ta démarche que je trouve vachement intéressante, et puis ici dans notre campagne, et puis le fait que Vincent y vient, que je trouve ça vraiment fabuleux qu'il se déplace et qu'il vient, moi je trouve ça extraordinaire. Je voulais aussi le rencontrer aussi, je te l'avoue, mais si tu veux, en dehors de ça, je me suis dit que finalement écrire, c'est éviter de parler, parce que moi je suis une grande bavarde. Parfois je sors des perles et je me rends compte parfois quand je m'écoute, à quel quelquefois, quand j'ai eu des retours sur quelque chose d'interview, je me suis rendu compte que je sors des perles, mais que je ne les marque jamais, que je ne les écris jamais, et que c'est des paroles qui sont perdues. Puis moi, je dis, maintenant, j'arrête de parler, j'écris. Bon, je ne sais pas si je pourrais arrêter de parler, parce que je suis une bavarde. Mais le fait d'écrire, peut-être qu'un jour, quand j'aurai un retour sur mes écrits, ça pourrait vraiment donner une traçabilité d'un passé qui a été révolu. Quelque chose à dire. Alors, on passe à quelque chose à dire. Merci beaucoup. Ton texte, donc on l'a tous entendu, est-ce que nous on peut lui dire, lui renvoyer comme un miroir de comment on sent ce texte? Parce que on fait comme un genre de commentaire composé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un truc à l'école, mais un truc d'analyser le texte. Enfin, la couleur du texte, est-ce que c'est un récit, est-ce que c'est une... On essaye de dire comme ça vos ressentis par rapport à son texte et on fera pour chacun. C'est une vigne de lumière quand on écrit, on est en train de défeuiller un peu nos... Et en fait, il y a quelque chose de très primordial, de très primitif qui ressort quand on n'a pas écrit depuis longtemps. Mais c'est surtout quand on n'est pas rentré en interaction finalement avec le fait d'entrer en relation. Mais on pourrait le faire avec un texte, on pourrait le faire avec une sculpture ou avec de la musique. Oui, c'est vrai. Donc toi, tu oui, voilà, c'est ça que tu dis, c'est du primaire, et primal, oui. Du primal, plutôt primal, du jet comme ça, de l'instant. Ça vient des tripes, et je trouve, oui, moi aussi, je dans cette triplicité qui est merveilleuse, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est de nous ouvrir quelque part aussi ta guérison, ça fait du bien. Parce que peut-être qu'on va se prendre les mots, Sion, mais en fait, il y a... vraiment autre chose qui circule à travers, c'est ce que tu fais en fait vis-à-vis de toi-même. Et donc l'effet miroir, c'est toi-même qui est en train de l'observer. Mais une fois que tu franchis ce miroir, dans ton cycle d'écriture, je trouve qu'on y découvre la beauté de l'âme. Et merci. Ça nous aide tous. Merci. C'est gentil. C'est très gentil, Maxime. Oui, parce que toi, en fait, on dit toujours que ce qu'on voit dans l'autre, des autres, c'est ce qu'on est nous-mêmes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc là, tu as parlé de toi sans te rendre compte. T'as parlé de ta beauté, oui. Est-ce que à chaque fois qu'on parle des autres, quoi dans son texte Le cri, un cri très très direct, très de la poésie spontanée, pure. Voilà, qui est de l'oralité écrite, mais enfin quelque chose qui jaillit, quoi. Voilà. Moi, ça interpelle. Ça interpelle, quoi. Ça percute un petit peu. On a bien senti le cri. Ça percute, mais ça passe. Oui, c'est... Christophe, ça nous attend. Ben oui, on a bien senti le cri dans l'élocution et dans les mots. Mais j'écris pas. Bon, j'écris, mais parce que j'ai écrit, et maintenant que j'écris, je vous en balance une. Et je crie. Ça, c'est une revendication interne, intérieure, et que tu avais besoin de libérer aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis permis, bon, il m'avait les gros yeux, mais quand tu le disais, je crie, quoi. C'est ça, quoi. Compte tenu du fait que je l'ai crié déjà 3-4 fois auparavant, j'avais plus envie de crier, tu vois. Il y avait une résolution de vendeur qui consistait aller ouvrir la porte dans la forêt de la voiture, d'arrêter la voiture, de claquer la porte et de crier là. Et ça consistait à ça, tu vois, alors on allait dans la forêt et là on allait crier, mais pour libérer de la pression du client, quoi, assez oppresseur. Moi j'avais envie, quand tu l'as dit, là, j'avais envie qu'on reprenne tous le truc, quoi. Que tout le monde reprenne le truc et qu'on le dise ensemble. Au revoir, je crie. Parce qu'il y a quelque chose aussi. Eh bien, en tout, dans Gigi l'Amorosa, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Dalida. Oui, dans la musique de Gigi l'Amorosa. Gigi l'Amorosa, à un moment donné de la chanson, quand t'es en karaoké ou peu importe où, t'as envie qu'allez tout le monde avec moi. Tu vois, c'est des trucs, si tu veux que spontanément, t'as envie de le faire parce que tu penses que c'est commun. Que c'est commun, c'est à nous tous. Oui, c'était vraiment, on a envie de le dire. Si on a le temps, c'est quelque chose qui nous appartient de quelque part. Tu trouves quelque chose en nous. Tu trouves quelque chose en nous. C'est sûr, heureusement. C'est bon. Ouais. Ça fait du bien. Evelyne, ton texte? Quoi, quel texte? Le premier, c'est avec le texte. J'avais envie de m'amuser, donc c'est pour ça que j'ai t'embêté, parce que t'inquiète pas, j'ai pas pris les textes c'est un texte qu'on avait fait, parce que une fois j'avais fait un atelier avec Bruyère de Manche, et elle nous avait fait, c'est un peu spécial, Bruyère, elle aime bien s'amuser, quoi. Ouais. C'est une bonne vivante. Donc elle nous avait fait jouer un peu avec les fruits. Alors, salade de fruits, ça s'appelle. Elle, haute comme trois pommes, un tas de pêche, toujours la banane, pas un poil de peau d'orange, rouge comme une tomate, glisse sur une peau de banane et se prend une prune. Pauvre pomme, c'est pour sa pomme. Les raisins de la colère? Non, il faut, mi-figue, mi-raisin, ne pas ramener sa fraise, mais couper la poire en deux. Et surtout ne pas tomber dans les pommes et sucrer les fraises. Toujours garder une poire pour la soif, disait sa grand-mère. Et pour tirer les marrons du feu, rien de tel que de se fendre la poire et s'offrir une pêche malba. Vas-y, tu enchaînes avec ton autre texte. Ben voilà, ben c'était... Vas-y, vas-y. Encore une fois. Attention. Les pêches, les pommes et les poires que soi-disant on mange pour soi-disant donner une belle peau me font mal au ventre. La colère me prend, je vais plutôt offrir des fraises à mes amis pour fendre la glace et ne plus couper les cheveux en quatre. Je peux ramener les bien plus à ma mère que quelques fruits, mais je n'ose pas. Oh là, ça fait peur. C'est beau, hein. Il est plus beau après le texte que tu as fait en partant du texte original. Il est plus beau. Bah parce qu'il n'y a rien de moi là-dedans. Il n'y a pas grand-chose de moi là-dedans. C'est juste un jeu. C'est pour ça que je me suis trompée de texte. En c'est fait. Pas grave. J'aurais dû prendre un autre texte. Oui. Voilà. Bah ça prouve, c'est à l'avantage de montrer justement le cheminement, le travail qui se fait. Mine de rien, on a déconstruit le texte. On a aussi fait fonctionner un autre cerveau. Et mine de rien, on voit bien quand même, bim, bim. Effectivement, il y a le cheminement, hein, quoi. Qui d'autre qui partage son texte original? Oui, je vais bien vous partager. C'est la légende du poisson d'or. Au centre d'un lac se trouve un rocher profond. En ce rocher, parsemé de pierres et de toutes couleurs, se cache une créature unique, un poisson, dont les écailles sont couvertes d'or. Ses yeux brillent de deux rubis. La queue est noire et son aileron couleur verte. Un pêcheur qui ramassait sur les rives du lac des cailloux et branches de pointe vint jeter sa canne dans cette eau trouble. Le poisson d'or, qui ne pond qu'une fois tous les 50 ans un œuf, sortit de sa caverne au rocher creux. Le pêcheur se débat pour attirer par un crochet le majestueux poisson. Tournoyant dans tous les sens, l'hameçon agrippa l'aileron du poisson. L'homme tira de toutes ses forces et arracha l'aileron vert, devenu percé. Le poisson d'or est un éclat de soleil rayonnant de ses feux, sa prodigieuse rareté. Le pêcheur, sous le poids, pensa attraper le poisson tout entier, qui est rare à voir. Mais, cependant, le poisson petit, par son agilité, pèse 1000 tonnes et produit un aileron à mesure qu'il se fait harponner. L'homme reparta peser le poids de l'aileron vert, dont il s'en fit un collier posé sur sa tunique. Le poisson est reparti dans cette eau trouble, où l'on appelle dorénavant le lac aux poissons dorés. Parfois, pendant la pleine lune, le poisson tournoie au-dessus de l'eau pour refléter la lumière et la forêt de tout son éclat. À ce jour, personne ne put trouver chance et hasard de récupérer un aileron vert, mis à présent dans la tombe de l'humble pêcheur. Le rocher au centre, quant à lui, reste et restera le gardien du secret du poisson en or. Oh, c'est ça. Mmh. Magnifique. C'est plus que beau, hein. Oui, c'est plus que beau, hein. Ah, c'est plus que beau. T'as su vraiment sortir la rareté et puis le mythe et tout. Oui, oui, et puis on voit les images, on voit, c'est descriptif. C'est mythologique. musique. Oui, non, mais monté. Tu étais dans quel état quand tu l'as écrit? Qu'est-ce que tu ressentais? Quelles étaient tes sensations? Ça, oh, merci. Je veux bien te le signer aussi. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Puis même à la date d'aujourd'hui. Mais... Tu es d'accord avec moi? Ah oui. Avec une écriture comme ça en plus. Compte. Oh, non, mais c'est incroyable. Mmh. Oui. Ah ben, l'écriture, on peut définir un petit peu aussi l'écriture, de façon, fluide, onirique. Oui, onirique. Des symboles, beaucoup. En mythologie, moi ça me rappelle quand même, mais là c'est en étude mythologique, c'est il y a la légende du lac, ça existe aussi, ou du lac de Longemer, hein, où Charlemagne a repêché un brochet et avec une clochette d'or, je crois. Mmh. Mais en fait. Bon, dans les significations, ça me rappelle les contes du Graal, le roi pêcheur, hein, le roi pêcheur, Arthur, et l'idée de Charlemagne qui est le roi pêcheur aussi. Enfin, ça replonge dans les, y compris le poisson, l'air du poisson qui est l'air de laquelle on sort, puisqu'on va aller dans le verso. En vrai, ça m'évoque plein de significations que tu as écrit et que tu as revivifié un mythe qui est fondamental de la mythologie vosgienne, bien sûr, mais mondiale, puisque tu dis le poisson d'or, chinoise aussi. Donc c'est quelque chose de très fondamental, en quelque sorte l'âge d'or qui est enfoui dans le lac et qui ressurgira lorsque le roi pêcheur, qui est Arthur ou qui est Charlemagne, créera le retour de l'âge d'or, voilà. À la limite, moi, je lis ça comme ça. Parce que tu vois ça, le retour de l'âge d'or. Moi, dans cette écriture, je vois quelque chose de très poétique. Je vois quelque chose de très descriptif. Non, mais c'est très non motivé. Très métaphorique, très réinterprété. C'est comme ça que j'écris quand... Oui, c'est comme ça que j'écris, en fait. C'est bien, on a découvert ta veine. Je vous présente le... C'est mon texte préféré. Ah, de tout ce que j'ai écrit. Est-ce que tu peux nous donner maintenant le mot sur lequel on est arrivé sur l'exercice final? Déesse. Déesse. Tu as les images dans la tête que tu. Tu as des images avant d'écrire ou tu as des. Oui, il y a quelque chose qui te... Tu as des sons qui viennent comme ça dans ta tête, des tableaux... Des sons qui vont avec le bruit de l'eau, peut-être. Hein? Des musiques ou des... Un centre mégaré. Ou c'est... Il y a deux jours, j'ai découvert comment ils écrivaient les contes, dans le temps. Mais c'est pas ça, c'est que c'est un rêve d'enfant. Déjà, quand j'étais enfant, je voulais écrire un livre de contes, mais... Bref, petite parenthèse. Oui, c'est quelque chose que tu as vu depuis très longtemps, quoi. Génial. Je vous le donne en très simple, parce que c'est un peu là où j'en suis en ce moment, et c'est ce que j'essaie de partager. Je ne vais pas vous lire un truc, mais... parce que, bon, j'en ai parlé. Oui. Allez, je vous donne juste au moins l'encadré, mais... Quel est ce mystérieux lien qui unit l'ensemble des êtres au divin, au sacré, au dieu et aux déesses? Pas si on le savait... Et en fait, questionnement philosophique, je vous le donne à vous parce que vous êtes des personnes qui sont inspirantes, aspirées, et je vous le donne. Ça rejoint un peu le fait que corps, esprit, âme. Mais en fait, il y a notre vie humaine, notre vie spirituelle et notre vie historique. La vie humaine, c'est ce qui s'inscrit dans notre expérience de vie. Comme par exemple, je vis ces expériences, je vis cette vie-là. Ensuite... Il y a la vie spirituelle, c'est-à-dire il y a son développement qui naît d'une éclosion de la connaissance de soi. Et ensuite, il y a la vie historique. La vie historique, alors, ça va être le savoir-faire. C'est un peu les choses sur lesquelles on hérite aussi. Donc finalement, il y a l'expérience de vie, il y a le développement spirituel, c'est-à-dire comment on entre en interaction avec notre raisonnement, notre rationalité, et aussi, dans sa dimension philosophique. Et ensuite, le savoir-faire, la mise en application relative, c'est-à-dire où notre corps, notre esprit s'inscrit. Dans la mémoire d'Eden. Pardon ? Dans la mémoire d'Eden. Et c'est ça que ça me fait penser, en fait, aussi. Alors, je vais le mettre en parallèle avec la vie du Christ. Il y a la vie humaine du Christ, il y a la vie spirituelle du Christ, et il y a la vie historique du Christ. Ce qu'on appelle le Christ, attention. Alors, oui. Maintenant, c'est mais ça que je veux dire. Quand tu écris par rapport à l'écriture, quand tu es dans l'écriture, voilà, tu nous parles sur, sur le fond et tout ça, le thème, est-ce que tu as calé tes passages de l'histoire? Est-ce que tu les as en plan? Ou alors est-ce que tu écris l'histoire avec un fil continu qui se déroule? Mais il est déjà au questionnement, là. Ah, il est encore au questionnement. C'est ça que je lui demande. Non, mais par rapport à son texte. Ah, par rapport à son écriture, oui. Généralement, oui. La technique d'écriture. Toi, quand tu l'as écrit, est-ce que ta technique d'écriture, c'était plan par plan? Tu savais. Est-ce que tu avais pensé la fin? Parce qu'en général, voilà. Et voilà, donc là, tu es bien allé sur l'inspiration. Voilà. Et sur la dimension du texte, est-ce que tu l'avais au départ? Non. C'est là, alors, je peux vous le raconter. Et c'est là où je, alors, avant de répondre à ça, je vais juste dire une chose. C'est là où j'en suis un peu en ce moment, justement, dans mes. Bon, je vous le montre, parce que c'est un peu ce qui a émergé ensuite, le premier atelier d'écriture au Langue de Travers. Mais ça, c'est ce que j'ai fait quelques jours avant. Mm. Et en fait. Je m'intéresse à la mythologie, je m'intéresse aussi à l'astrologie, à l'hermétisme, c'est juste comme ça. Mais en fait, par exemple, je suis sagittaire. Il y a des choses qui me parlent, qui sont propres à moi dans ma vie, comme par exemple le sagittaire avec un arc. Et là, j'aboutissais au fer à cheval en mettant... Mais on a tous notre truc, finalement. Mm-hmm. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une mise en relation entre ce qu'on vit, mm-hmm. la mythologie... dans laquelle on s'inscrit, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'ils écrivaient les contes. C'est « j'ai trouvé une clé de sol, j'ai trouvé ma lyre ». Là, envie de parler de la quatrième dimension de Claude Vautrin. C'est un auteur aussi qui travaille beaucoup sur cette idée-là de quatrième dimension. Mmh. Et je pense que ça s'inscrit bien dedans. Mais excuse-moi si je peux intervenir. Il questionne. En fait, lui, ce n'est pas une quatrième dimension qu'il y va pas vers quelque chose. Il ne faut pas le référer à son collègue. C'est qu'il questionne, lui, questionne les relations qu'on a avec quelque chose qu'on ne définit pas et qui est lié à nos atavismes, à nos mémoires d'Eden, parce qu'à notre savoir-faire inné et qu'on déclic sur un instant d'éducation. Lui, il questionne nos relations avec une sorte d'universalité qu'on n'arrive pas à trouver les liens. La quatrième dimension, c'est la dimension cachée, celle qui n'est pas visible, et qui parle et qui fait, qui est pour définir ce que la thèse de. Enfin, c'est une thèse. Mais ça fait partie de son œuvre, Claude Vautrin. C'est une dimension cachée qui intègre à la fois les éléments mythologiques, les éléments du vécu réel, actuel, factuel, les dimensions spirituelles. Le chemin croisé où à l'intérieur on s'inscrit. Voilà. Et qui intègre aussi la faune, la flore, les minéraux. Voilà. C'est vraiment quelque chose de total. Et qui n'est pas du visible et du concret et du tu peux pas dire voilà et qu'ils ont une relation entre tout. C'est oui pour faire une cohésion en fait. Je sais pas si ça te parle hein, si cette analogie là te convient ou pas. Mais les bouddhistes disent à ce propos tout ce que tu vois c'est ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas ça existe aussi. Oui, voilà. Donc c'est ça. L'invisible qui s'offre à toi, quoi. C'est qui dit ça? Les bouddhistes. Les bouddhistes disent ça, pas mal. Et ça rejoint l'idée d'archétype, ça rejoint l'idée d'arcane. Ah bah oui. Ça rejoint l'idée. Alors c'est là où j'invite. C'est du symbole, hein. Il y a beaucoup de Oui, puisque on est dans une inscription ADN. On peut changer. Enfin, on est comme. Enfin, on est. Tu veux dire qu'est-ce qu'on. On est dans l'arbre. Oui. On est dans l'arbre, et ce qu'on va élancer, ça va revenir sous forme, et il y a comme un élan. Mais par contre, il y a le visible et l'invisible, mais il y a une autre dimension. Maintenant, ce que j'essaie de transmettre, là, du mieux possible, c'est quand, par exemple, nous sommes baptisés et avons une vie chrétienne, et bien ça, c'est quelque chose, déjà, notre vie historique. Ensuite, la vie mythologique, on pourrait dire, c'est la vie spirituelle, parce qu'elle nous est propre à nous. Elle naît du développement raisonnable et aussi symbolique, significatif. Et mais ça vient pas de mémoire transmise. Et la vie humaine, mais pourquoi pas? C'est là où on parle des retours aux sources, à ses os, mais c'est aussi l'idée de sa langue maternelle. On ne peut pas passer à côté la langue maternelle. Non. Et pourquoi s'en couper? C'est comme une racine finalement, c'est comme une sève sur laquelle il est très urgent de s'y relier, et j'invite, de mon point de vue, à ne pas s'émanciper de nos traditions premières, par contre, le regarder avec notre œil, parce que d'un côté on a le monde de la mer, de côté le monde du père. Il faut y aller, parce que même si on a cet atavisme, nous, on a grandi avec quelque chose, il est déjà en nous. De toute manière, tôt ou tard, il va être, donc, par une rencontre ou par un incident ou par. Peu importe, oui. Un facteur extérieur viendra. Donc, le sortir, le faire exploser en nous. Oui. Par contre, il ne faut jamais s'interdire de s'émanciper d'autre chose. Parce que dans notre mémoire d'Éden, on ne sait pas si en 1600, oui. Par exemple, à l'époque de Louis XIV, tes ancêtres, ils étaient peut-être 140 000, donc l'équivalent de peut-être moitié de la ville de Nancy. Et qui veut dire que tu as tellement de souvenirs en toi que tu ne sais pas ce que tu peux éveiller en toi, quelque chose que tu ne connaissais pas. Le sabotier, il devient sabotier parce que son père était sabotier, musicien, il devient musicien parce que son père était musicien. Mais qui dit qu'une autre rencontre, t'émanciper d'une nouvelle rencontre, ne te permettra pas de sortir de toi quelque chose que tu ne connaissais pas. Et c'est là où ça rejoint exactement. C'est ça. En tout cas, merci. On a écouté celui de Vincent. Si vous voulez, oui. Merci. On s'est garé. En fait, non, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Ça fait une belle rencontre. Ça peut aller loin. C'est quoi ton signe astrologique? Moi, poisson. Le ruban. Ma petite fille, elle est poisson, elle s'appelle Iris. Ah bon? Mais tout le monde croit que je suis un lion, alors je sais pas pourquoi. T'es lionne, regarde un lionne. C'est bizarre, moi je pense qu'il y a eu un faux casting, il y a eu quelque chose. Elles sont bonnes doit être fort. Non, moi je te dis, il y a eu une. Oui, ils se sont trompés de ma date de naissance, ils m'ont ajouté. Il y a eu quelque chose. Le thème natal, parce qu'en fait, t'es poisson, mais t'as l'ascendant, et ensuite dans ton thème natal, t'as des positions planétaires selon les maisons. Il doit y avoir un truc. Faut que tu regardes. Oui, localement. D'accord. Un texte que plusieurs d'entre vous connaissent déjà bien sûr. C'est une sorte de sorcière qui parle. Ah, oui. Je danse la misère, je danse la vieillerie, je danse l'espérance, je rame d'âme, je pulse la lumière, mal au ventre, mal au monde, malade. Je danse mes vieux os pour en faire des tambours de beau, de chaud, de trop, au trop, au galop. Je chevauche les cimes ainsi, les orages et les songes. Ça ouvre au néant cette danse, au néant comme au multiple, au vivace. Je danse, j'y suis pas. Hop là, je suis belle et j'étais belle. Bas et veuve, ha ha. Psalmodie les étoiles, c'est le chant du cosmos et le roc qui crie dans les rocs et s'écrit. Tambour vivabre et se rivant, orgue des mondes, dérivant sur les passés d'infinitude. C'est le blanc des fontaines, des nuages, le crescendo qui monte, bondit. Tu le vois, en dansant, tourbillon, tourne, vire, rit sans cesse, vit, visse, trisse, glisse. Et Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, autant de femmes, autant de soleil, autant d'amour. La prophétie des âmes sur le mont Tabor, là, dans les flammes, autant de femmes. Balbutiement des siècles, la danse a délié. La chaîne des nuages, des étoiles aussi, que le moment a répercuté, a jointe. Et la danse a vibré les entrailles du roc, de la terre émue qui s'en est fendillée, et comme un feu central, son ardeur appelée correspond aux métaux, aux ultimes rivages de l'infini, qui court, lui, vite, aux nuits de l'univers. Oh là là là là. C'est le premier chier, hein. C'était le centre, un peu le centre de notre dernière pièce. Ah bah oui, le c'est à jouer par... Marie-Françoise. Marie-Françoise, voilà. Et donc, mais bon, c'était, oui, voilà. Ça la bougeotte, hein. Oui. Oh, mais ça vient le temps. Mais il fallait devoir interpréter par... Mais là, on peut décrire, parce que nous, on connaît aussi un petit peu habitué avec cette veine, là. C'est un style que tu développes, que tu... voilà, auquel tu lâches pas l'affaire, c'est très joli, c'est des flambées, c'est beaucoup sur l'instant, hein, je travaille sur, avec la répercussion des mots aussi, t'as des ricochets comme ça, et puis on sent la pensée qui part, toujours avec, il y a un mot qui revient souvent dans tes écrits, c'est flux. Ah oui, le flux. Et comme tu dis, tu captes le flux, et c'est pas là... tu vas pas être, toi, dans, à mon avis, dans la démarche de te mettre assis, d'écrire, de revenir non, sur un texte, non. De le travailler, de le ciseler, de le poncer, surtout de le malaxer. De... Non, c'est le flux. Hein, qui arrive le comme flux. Ça, et je ne veux surtout pas y toucher, parce que, voilà... C'est parce que ça me tombe ah ben alors, dessus. Est-ce que c'était embêtant cet exercice parce qu'on est, on, c'est, pour décortiquer, comme oui. Ça, c'est excellent. Mmh. C'est très bien de. De trouver, oui. Et de remonter dans le. Après. Ah, j'ai beaucoup aimé. Donc on a quelque chose, tu peux nous relire à la fin le petit texte. Ah, final. Le petit texte, oui, bien sûr. Le petit texte synthétique, finalement, et qui naît de cette, ce décortiquage, enfin, de cette psychanalyse, bon, de cette profondeur qu'on a, que tu nous as oui. Invité, à laquelle tu nous as invité. Les danses, ces cris, en bal virant, flamme, soleil, feu de femme, amour des mondes, vif, le chant de l'univers. Oui. Ouais, c'est là, presque. Voilà, donc, voilà, oui, c'est... Bon, voilà, donc, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce petit texte-là? T'aimerais... L'avoir dit, déjà, c'est bien. C'est le vif-argent, ça. Oui, c'est ça. Ah, le vif-argent, l'avoir dit, mais voilà... Un conte de mon enfance. Petit poisson qui s'appelait vif-argent. J'ai jamais retrouvé l'histoire. On verra, peut-être que... Je ne sais pas, tes étapes... successives dans l'atelier. Parce que l'idéal, c'est qu'on a Evelyne qui nous proposait de remettre, de s'approprier ce texte-là, comme par exemple sur le texte d'Ada, d'aller mettre du cœur, des choses comme ça. Et si on pouvait s'approprier des choses de chacun et on fait la chorale avec la musique. De les faire vivre, quoi. Parce que là, ils sont couchés sur le papier. Oui. Bon, moi, j'ai du mal là, quand ça reste couché sur le papier, parce que pour moi, les mots, ils doivent être vivants, ils doivent vivre, les mots. Parce que autrement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça reste des mots sur le papier. Et c'est dommage. Je pense que chaque mot qui est sur le papier, pour moi, eh ben, il a envie de sortir, il a envie de se montrer. Vous voyez, je suis la colère, mais la il colère. Est notre cerveau. Si tu dis la colère, oui, mais la colère, c'est pas ça la cerveau. Colère, mais montre-moi la colère. Enfin, bon, c'est une déformation, mais non, c'est une déformation, j'exagère. C'est ton approche de l'écriture, j'exagère, mais non, c'est bien. Je vois comme une approche particulière de sortir des choses de chacun. Parce qu'on est là aussi pour analyser notre façon d'écrire, notre démarche. Et donc là, toi, effectivement, c'est très différent. Les textes, tu te les appropries, tu les apprends, tu les sais, tu en fais la déclamation. Toi, on ne te verra pas lire un texte. Parce que les mots, j'adore ça, quoi. Mais moi, je ne sais pas. Mais les mots des autres, oui, je les aime beaucoup, quoi. L'étape suivante, c'est d'aimer ces mots. Est-ce que tu aimes ce que tu as fait à la fin? Oui, ça va. D'autant plus que tu as travaillé là sur un texte qui était. Oui, c'est parce que j'aurais dû prendre autre chose. Mais non, c'est pas, j'aurais dû. C'est pas grave. C'est très bien. C'est très bien. Voilà, mais bon, c'est ça, mais c'est sans prétention. Il y a du plaisir à l'écriture, à la découverte, à ton écriture et à dire ton écriture. Oui. Marie? Moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à l'entendre. Marie, là, elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose. Si tu l'as entendu, je pense qu'on l'a tous entendu. Elle a dit le mot interprétation. Mm-hmm. Qui veut dire c'est que, une grande interprète. Voilà, voilà. Mais justement, pourquoi un jour le fruit de cette écriture-là ne partira pas dans une interprétation à la place de faire comme la chorale que tout le monde chante, qu'on récite à plusieurs voix? Oui, bien ça. Sûr. À plusieurs voix. Oui, c'est ça. Et qu'on se met un triangle. Lui, par exemple, lui c'est tellement texte. Poétique qu'on va laisser un soliste. Par contre, on peut le mettre un soliste. Après, un texte comme le sien, qu'on lise à trois ou à quatre. Un texte comme le sien, qu'on lise tous ensemble. Oui, parce que lui, c'est bien vivant. Venir, et ça venir un vrai. Voilà. On a dit un de tes textes qui est colosse à deux ou à trois. Oui, avec Amélie, toi. Et à plusieurs. Ah, c'était bien. J'aime bien. Oui, J'adore. Pour ça, cette idée-là, je ne peux pas vous la proposer là ce soir. C'est non. Trop bâti. Non, non, mais non, on va préparer. Mais c'est une super idée, si ça, ça vous branche, de se retrouver, nous, ce groupe-là, oui. Et de retravailler ce texte. Il faut préparer avec, ça. Co-animé cette fois-ci avec Evelyne, qui va se charger de toute la partie interprétation, nous, il y a les voix, il y a les voix qui sont différentes. Il y a des voix qui se complètent bien, finalement. Oui, qui se complètent oui, bien. Et ça... Ça, parce que là, il y a un bariton. Il y a un alto. Toi, tu es mezzo. Oui. Lui, il est tout doux. Comment c'est tout doux, là? Ténor. Moi, c'est... Oui. Et moi, c'est alto. Donc, on a des donc ça fait deux altos, ça fait une mezzo, ça fait un bariton. Plutôt basse. Bariton, oui. Voilà, après... Ça se complète bien. Voilà, donc ça, c'est un projet. Oui. On se le garde. On se le garde. Et ça peut même être dit sur scène, sur le prochain spectacle des Colosses. Et la scénographie, on peut la faire, donc la position des groupes en triangle. Ça reste assez court. C'est un triangle. Parce que vous êtes partout. Comme ça, c'est un, ça me fait penser au cycle saisonnier. Deux, trois. Avec une bonne mesure de tous nos éléments, en commençant, comme dans l'astrologie, par le signe du bélier, qui est l'élan du printemps. Ouais. On prend chaque élément, donc chaque oui. Énergie, et ouais. on fait un... J'ai travaillé, j'ai déjà fait les cinq éléments. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Je suis pas des ateliers, mais après, je peux les... On peut en refaire, mais c'est des idées. C'est bio, oui. C'est... Waouh. Ceux qui l'ont acheté. Oui. Mais oui... Donc, ça rejoint quand même un peu l'idée de la scène ouverte de Guillaume Lovera, parce que on en reparlera. Mais il y a plein de démarches. Moi, je suis super heureuse. Hein, c'est y a plein de choses qui se font. Ça demande du temps, du travail. Hein. Ça demande du temps, du travail. De répétition. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ça, c'est compliqué. Ça implique qu'on se revient. On peut prendre sur le prochain atelier d'écriture et rester là-dessus. Oui. Ou alors le faire si vous venez au Sélénite, si c'est plus facile. D'autres personnes. Dans les Sélénites, donner une finalité, ou même un soir. Mais il faut arrêter le texte à un moment donné. Hein. Il faut arrêter le texte, fixer une scénographie, un lieu, une musique de fond, un ordre, une interprétation et à tout. Le staff aussi, il a une belle voix. Lui. Ah oui, magnifique. Ça, hein. Sûr, ah ouais, bah lui. Ouais. Bien sûr. Et Kiko, il a une belle voix aussi. Ah oh bah oui. Mais, ouais. Moi, pour les textes, je reviens dans ce texte que j'ai dit, je préfère, moi, quand il est dit à plusieurs voix ou par d'autres, que moi, je l'ai lu parce qu'il fallait le lire, mais oui. J'aime bien l'entendre par les interprètes ou peut-être peut à plusieurs personnes. Et Marie, voilà. Les mots c'est que David dit à la fin, qu'on choisit un mot essentiel, oui. C'est celui-là. Il finit sa phrase. On fait comme dans le théâtre grec. Tu sais, dans le théâtre grec, c'était la chorale. Oui. C'était le cœur. Et le cœur, parce que pour que les gens du fond de la salle, de l'amphithéâtre, ils n'entendaient pas, ouais. Le cœur, il répétait quelque chose. Et puis après, il répétait un dernier mot. Donc, par exemple, lui, il a dit le mot, il a dit la phrase, on a dit la phrase à plusieurs. Ouais. Et puis après, deux petites voix qui répètent le mot essentiel. Oui. Comment c'était fruit, comment c'était écrit, comment c'était dense. Oui. Tu vois ouais. Et que le mot, là, ça a repris. Hop, salut, au revoir. Hop, on recommence notre texte, tu vois. Ça pourrait faire un effet bœuf, quoi. Alors, danse. On y bosse quand, à ça? Parce que ça, c'est autre chose. Ça, c'est une émergence de l'atelier d'écriture. Hein, il faut on en reparlera, parce que... Tout le monde. Parce qu'en plus, il y a tellement de projets, mais qui devraient se jouxter. Non, mais un projet scénique comme ça, tu n'auras pas tous les jours. Hein. Non, mais il y a... C'est un projet scénique, ça. On est d'accord, Evelyne. Ça peut se faire quand tu fais ton spectacle. Sais, oui. Moi, c'est ce que je vous propose. Mais si, c'est-à-dire, il faut se tenir à ce qu'on se revoit. On peut le faire au théâtre. Il y aura peut-être une répète. Au théâtre final. Oui. Tu as besoin de tout, là-bas. Avec comment? Alors le titre, je ne sais pas si c'est ça, mais le titre, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai trouvé ou qui était déjà, « Le puits et l'étoile ». Il entendait partout une flûte enchantée qui l'accompagnait au rythme d'une danse qu'il exécutait bien. La flûte lui donnait parfois la sensation d'entendre un ruisseau et ses clapotis. Il finissait donc par se mouiller les pieds. Attiré par son étrange et magique attiré par ce son étrange et magique, empoignait un morceau de bois et il façonnait une flûte. Il devenait vite un virtuose que les oiseaux accompagnaient gaiement. Plus aisé, il organisait un concert, chacun sur sa branche. Les oiseaux instrumentales étaient les chœurs, le ruisseau avec tapissement d'une truite qui se débattait pour remonter le courant, ajoutait à sa partition le vent qui fit glisser des feuilles, entraînait le tout dans une symphonie, celle de la forêt. Ce fut les quatre saisons. Oui. Tu vois cette addition? Oui, je sais. C'est un beau texte. Hein. Tu peux choisir de le faire dire par quelqu'un aussi. Hein. Oui, aussi. Et la musique qui va avec. C'est la ponctuation que j'ai pas. Qu'il faut tu sais ce que tu dois mettre en fond de musique? Les vers de. Peut-être, oui. C'est quoi ça? Ça me vient pas. Ah, musicien. Allez, va, lis ça et puis moi je te chante. Lis, vas-y. Oui. Maxime va te le lire. Vas-y. Lis-le une fois tout seul. Il est bien écrit, de toute façon. Ouais. Puis après, tu laisse-le l'intégrer un peu. Mais tu lis assez fort parce que comme ça, je ne couvre pas avec la musique. Il entendait partout une flûte enchantée qui l'accompagnait au rythme d'une danse qu'il exécutait bien. La flûte lui donnait parfois la sensation d'entendre un ruisseau et ses clapotis. Il finissait donc par se mouiller les pieds, attiré par ce son étrange et magique. Empoignant un morceau de bois et y façonnant une flûte, il devenait vite un virtuose que les oiseaux accompagnaient gaiement. Plus aisé, il ramassait en ce concert où chacun y trouvait sur leurs branches l'instrumentalisation des oiseaux. C'est le cœur du ruisseau, le clapissement d'une truite qui se débat pour remonter le courant. Y ajoutait et s'y perdait. Le vent en partition fait glisser, entraîner les feuilles, le tout, symphonie, harmonieux, j'aurais dit. Tommy Harmonie. Ouais. Ah oui, harmonieusement. Ça ira bien avec un fond musical. Ah ouais. Oui. On peut, c'est beau, hein, après, je, moi, disons que. Tu veux le retravailler? Non. Non. Ça m'évoque le. C'est, je me rends compte juste des fois les ponctuations aussi au début. Ouais, c'est ce que je. En fait, ça dépend de ton souffle en fait. Quand t'écris, sois bien attentif à comment tu respires. Mmh. Et si tu respires d'une manière détendue et que tu respires en conscience, quand tu écris, les ponctuations s'inscrivent toutes seules d'elles-mêmes et tes pépites émergent. Ah ok. De mon point de vue. Enfin, j'y ai déjà pensé, mais j'ai pas ce réflexe. Le didgeridoo, il nous facilite. On n'est pas. Tu joues du didgeridoo? Oui. Oui. Tu sais où t'es tombé ici? Non. Vas-y, regarde. Tiens, regarde. Ah, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de hasard. Hein. Pas de voilà, je te laisse découvrir. Ce qu'on pourra faire aussi tout à l'heure, même si vous voulez reprendre en slam, c'est-à-dire avec des mots comme oui, ça. Oui, oui, oui, continuer à écrire. Chacun, oui. Là, oui. Vous reprenez des mots. Par contre, c'est super. Oui. Même si c'est imposé, bah, pour une fois que c'est imposé, bah, j'accepte quand même, parce que moi j'ai du mal avec ça, mais il faut que je m'en aille marier les siens. Ah oui, ouais, ah, ouais. Ça c'est autre chose, oui. Voilà, on va. Écoutez une séquence qui suit où Marie-Pascale va donner un de ses textes et où on va entendre Maxime qui joue du didgeridoo, car le didgeridoo c'est l'instrument de Yuval, le fils de Marie-Pascale, et son père lui avait initié Yuval. Poème les grandes idées, tu vois. On dit il faut pas être plus grand que le roi. Eh ben moi je dis que le roi aime les grandes idées et ce qui est grand, parce que le roi aime. Ce grand roi, variation de silence, distance. À la route 66, à la rance au solstice. J'appelle de la outre, moult corde pour aller plus outre. Oh, le cœur, au grand galop martel, un poème est perdu, faisant dentelle, des nids occitanes aux mille présages. Passe les pays, passe les âges, un opéra guitare, une pluie multicolore de riches harmonies. Miller, banjo, mandoline ou Gibson, toutes les musiques du monde sonnent sous des doigts d'or déformés d'arthrose. Oser vieillir en gamin virtuose, dans la lune qui brûle, insomniaque, l'inspiration divine et démoniaque. À l'homme guitare, cité des luthiers, lutte, octobasse, violon, vielle et archer, le théâtre à l'italienne grelotte. Au son, au réveil, petite patte note, valse corse, au nickel, harpa, cantique, nouvelle mazurka, quatuors antiques. Un oiseau lyre et du blues mandingue, une folie douce, quelques fringues, l'espérance de traverser la France. Dans tes accords où mes rêves dansent, si tu respires encore, mon âme sœur, pour le pire et le meilleur. Me fera guitare. Bravo. Il faudrait qu'il vienne, ce. Bravo, c'est beau. Guitariste. C'est Campini ? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il y a une musique à écouter. Sinon, quand vous venez, quoi. C'est pour vous, les amis, l'amitié. C'est vrai que c'est régulier, c'est. Wow. C'est beau. Et j'ai voulu vous rendre hommage. Alors, il y a des clins d'œil. Je crois que d'entrée de jeu, on reconnaît le personnage. Petites choses qui ont pu arriver là, c'est pas le nez en l'air, l'air allumé, le flair libertaire, le regard embué avec l'âme farfadette qui s'échappe du tabernacle à la nuit lumière. La nuit lumière, l'une et l'autre, l'un et l'une. Ils arrivent, s'enivrent d'amitié, étreignent un néophyte avec l'appétit de la nouveauté. D'intangibles moteurs pétaradent en fleurs, pulvérisent le tragique, un facteur de l'éther échevelé. Je ne sais pas par cœur. Je dis sûrement un facteur. Alors je recommence, parce que je ne le disais peut-être pas bien. D'intangible moteur pétarade ton fleur, pulvérise le tragique. Un facteur de l'éther échevelé, des mots qui giclent, s'échappent comme des frappes. Mots charrettes, rappeurs qui surfent sur d'invisibles crêtes. Le papier tiré de la poche, quelques notes qui s'évadent de la patte note, encore désaccordée. Un réfugié afghan déclame à bol fourrage Rumi en persan. Et toi, Rimbaud, Rimbaud, ton bateau bourré, bourré d'exilés. Sur la mer cimetière, ce qu'il nous reste d'ivresse au XXIe siècle, Houellebecq empaillé, le ventre plein d'alexandrin qui renifle tes rognes, la poque en la vie de charogne. Mais l'astre réverbère, satellite lève l'aube, le son céleste du gong inonde la voûte, sélénite. Une ode inspirée, poème à la lune pleine. Un silence ardent pour cueillir l'animiste prière. Il y a aussi dans la nuit lumière des rires, des applaudissements, l'éphémère arrêtentissement. Une voix sombre et posée ressuscite son manuscrit sorti d'Égypte. Être le dernier romantique ou crever. Une odyssée fantasmatique ose sa prose érotique avec le sel indien océanique. Un monologue classique s'offre en vibrant au banquet, café, macaroni. le cœur chauffé à bloc d'une ferveur toc-toc. C'est la raison détraquée qui ouvre la porte. Liberté. Les amis, leur visite. L'amitié qui crépite. Tout à l'heure, on écoutera, on reviendra à la Sélénite plus près du feu et dehors, lorsque crépite le feu et qu'apparaît pleine et blanche et lumineuse la lune. Cœur des femmes bulgares. Et maintenant, nous allons aller à la Bresse, retourner à la Bresse, où en ce moment d'ailleurs se déroule un concert de piano, mais vous n'y êtes pas, puisque vous êtes à l'écoute, comme d'ailleurs en ce moment se déroule au Casino de Bussan, le spectacle de Maggie Ball, impertinente et drôle. Et donc vous n'y êtes pas non plus, puisque vous écoutez la radio. Et moi, je suis quelque part. Il y aura d'ailleurs ce petit théâtre, un spectacle le 5 novembre de Richard Rognier. Enfin, une soirée consacrée à Richard Rognier, ça, ça vaudra vraiment la peine. Et puis, pour revenir sur ce qui s'est passé récemment, on avait une magnifique Camille Claudel, dont je vous passerai aussi tantôt des extraits. Mais là, on va écouter, je pense que c'est les quatre scènes de Jean-Michel Ribes, Théâtre sans animaux, avec nos fabuleux artistes et fabuleux acteurs et metteurs en scène. Et puis bravo à Vincent, à René-Vincent Viry, qui a orchestré tout cela, ce fameux petit théâtre où on a du mal à avoir de la place, il est petit et il faut réserver les places. C'est un foyer culturel remarquable qui vient de naître, enfin qui est né il y a quelques mois. Voilà, donc tout de suite. Applaudissent les changements rapides de décor, le montage des décors très, très leste, très preste. Mais vous y pensez souvent? Chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt, je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à sortir les vaches, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement à votre côté. Ici. Quelle force les pousse à faire tout ça plutôt qu'à ne rien faire? Ça vient d'exister une force. On passe à deux mêmes. Je commence par un centimètre partout et puis vous me direz. Labourer, traire, rafistoler de durite, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Pourquoi fait-on ça? On peut quand même se poser des questions, non? Stocker des hydrocarbures. Il sera encore temps de faire plus court si vous le souhaitez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler. Franchement, pédaler. Tout ça normal, vous pédalez? Je ne me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Me tenir debout? Ouais. Trouvez ça normal, vous, de vous tenir debout, là, les deux pieds sur le carrelage? Oui. Eh ben, ça ne l'est pas. J'ai l'impression, oui. Ça ne l'est pas. Ah bon? Non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui. Seulement, il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça, alors? Il y a une force. Une force qui vous contraint, comme 6 milliards d'êtres humains, à rester collés sur la Terre. Non. C'est une force qui me... Oui. L'attraction universelle. Découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un Anglais. Oui. Il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ils sont incroyables, ces Anglais. Moi, je vous demande aujourd'hui, électrifier une zone, discuter le bout de gras, améliorer la rage chevaline. Trouvez ça naturel? Vous voulez dire, par rapport à la pomme? Par rapport à l'homme, Georges. Pourquoi massicoter? Pourquoi piloter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie. Instinct de survie? Oui. Enfin, sauf peut-être pour l'ourlet. Enfin, je vous dis ça avec des pincettes. C'est une impression de coiffeur. De coiffeur de Châtillon, pas plus. Alors, je veux savoir ce qui nous oblige à suivre cet instinct de survie, comme vous dites. Monsieur Schatzberg, vous devriez peut-être moins prendre le train. Remarquez, ça c'est de ma faute. J'aurais pas dû vous poser des questions sur votre tour de vacances. Georges. Ouvrez les yeux. Vous sentiez autour de moi depuis 20 minutes sangler dans une petite blouse acrylique bleu turquoise, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, monsieur Schwarzberg, c'est ça? Avouez qu'il y a quelque chose, il y a une force qui vous contraint à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence, à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau encore de synthétique. Ne dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour passer une tondeuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains. C'est ce que dit ma femme quand je rentre tard. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher fin ou tondre? Non, elle ne me dit pas. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je ne crois pas, non. Croyez pas, vous en êtes sûr? Oh, monsieur Schatzberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec ma clientèle. Je suis navré, Georges. Même si vous êtes persuadé du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? C'est vrai que mon père n'était pas très pour. Mais attention, il ne m'a pas empêché. Jamais. Mon père avait ses idées. C'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il préférait être d'accord. Il disait qu'être d'accord... c'était bon pour la santé. Être d'accord, ça permettait de vivre plus vieux. Il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire qu'au fond de lui, il n'espérait pas autre chose pour son fils. Et pourtant, vous l'êtes devenu. Il y a donc, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas, qui vous a contraint à cette activité. Que non seulement votre père réprouvait, mais qui même pour vous, soyez honnête, reste totalement incompréhensible. pittoresque par rapport à votre physique. Ça, c'est vrai. J'ai un physique de chanteur. Je pense pas à Georges. Je vous parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, quand on vous regarde développer votre 1m90... Oh là, vous êtes gentil. 85, à peine. Avec vos membres supérieurs puissants, votre cage thoracique imposante, cette mâchoire solide, capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment. Quand on regarde vos narines, vos oreilles et vos pieds, je ne peux pas imaginer que vous ayez été conçu pour vaporiser de la latte. En plus que la pomme, d'ailleurs, n'a été faite pour s'écraser dans l'herbe. Vous pensez que je fais fausse route? Oui. Quelque chose vous a forcé. Comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui vous force à rester collé sur le carrelage. Pourtant, quand on regarde vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler. 3-4 fois. Mais tranquillement, vous voyez, dans les parages, au-dessus de l'étang de Massy, du boulevard Jean Moulin, avec les platanes, et puis revenir par la mairie. Attention, hein, ni vite ni très haut, pas comme le Martinet. Non, plutôt un vol de goéland, tout blanc, tout calme. Donc, au fond, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette. Une grande mouette. Et pas un coiffeur. Oh, ben c'est sûr, coiffeur. Comment dire, je n'ai pas terminé de payer ma boutique, alors je ne peux pas arrêter. Enfin, tout de suite. Mais c'est sûr, si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le goéland. Je vois la tête de ma femme. Et pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Georges, vous y êtes. Oh, grâce à vous, monsieur Chasseur, grâce à vous. Réalisez, Georges, nous sommes tous prisonniers. Tous. Pourquoi? Mais pourquoi je n'ai pas souvent des clients comme vous? Pourquoi? Georges, monsieur Chasseur, voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime? Pour la traquer et l'obliger à se montrer, la calculer et puis la détruire? Moi? Nous sommes les deux premiers à savoir qu'elle existe. Nous sommes des pionniers, Georges! Des pionniers de la liberté! De celle qui nous est refusée chaque seconde. Si j'avais pu imaginer, cette découverte portera nos deux noms. Oh non, monsieur Chasseur, c'est vous qui... Nos deux noms! D'ailleurs, si vous ne m'aviez pas avoué que vous vouliez être un goéland, je crois que j'aurais fini par douter. Quand je pense que si Madame Lalo ne s'était pas décommandée, j'aurais pas pu vous prendre. À quoi ça tient? Le hasard et la nécessité, Georges. C'est ainsi que l'humanité progresse. Nous n'échappons pas à la règle. Oui, mais enfin, tout ça à Châtillon, dans mon modeste salon. Et le salon de la découverte, Georges. Alors, vous acceptez? Si ça peut aider l'humanité, je ne vais pas refuser, bien sûr. Merci, Georges. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour un travail régulier, à heure fixe. Un rendez-vous quotidien vous conviendrait? Ici? Ou dans le train? Les idées sont fragiles, ne nous éloignons pas des lieux wellness. Dans ce cas-là, je préfère ici. Mais tous les jours? Si nous nous fixons comme objectif d'aboutir à la fin de l'année, ce qui serait, reconnaissez-le, un beau cadeau de Noël pour la planète, il me semble qu'un travail de 3 heures, disons 6 jours par semaine, est un minimum. Ah, quand même! Georges, vous n'imaginez tout de même pas révolutionner 30 millions d'années de comportements humains en 2 coups de cuir à peau? Bien sûr que non. Vous pensez qu'il serait possible de faire ça à l'heure de repas? Vous voulez dire entre midi et 15 heures? Par exemple. Et pourquoi pas? Nous en profiterions pour jeûner. Excellent, pour la vivacité de l'esprit. Ça me permettrait de ne pas, comment dire, perdre trop de clients. Georges, Pensez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Vous allez les gagner, Jean. Et quand dans un jour proche, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée, croyez-moi, ils vous payeront de leur avoir refusé votre peigne et vos citeaux pendant 3 petites heures par jour. Mais vous avez raison. Vous savez, Monsieur Schwarzberg, personne, jamais personne ne m'a autant ouvert les yeux que vous. Parfait. Nous commencerons demain. Donc, midi. Je vais noter tout de suite. Qu'est-ce que je vous dois? Vous plaisantez, Monsieur Schwarzberg. Je vais juste, si vous le permettez, récupérer la blouse. Voilà. Ça vous va comme ça? Très bien. C'est rafraîchissant d'être très court. Parce que, pour vous dire la vérité, je vous préfère les cheveux un peu souples. Ondulant, disons. Bon, ça, si vous le voulez bien, la coupe postérité. Bien, Georges, à demain. Monsieur Schwarzberg, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre force qui vous oblige à découvrir cette force? Ou est-ce que c'est la même? Bien, Georges, bien! Nous ouvrirons la session de demain sur cette interrogation. Parce que, si c'est la même, une fois que nous l'aurons trouvée, vous ne serez plus obligé d'y penser. Plus du tout. Probablement. Je pense que nous allons faire du bon travail. J'en meurs d'envie, Monsieur Schwarzberg. J'en meurs d'envie. Bravo! Tu lui dis juste bravo, c'est tout! Je te demande pas de te répondre en compliment. Je te demande de lui dire juste un petit bravo. Attention, qui sonne quand même. Pas appuyer, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. Mais je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Merci, là d'accord, ça aurait un peu tes côtés hypocrites. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement bravo, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Mais je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le deux fois. Deux fois? Oui, bravo, bravo, deux fois. Ça glisse tout seul, on ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça pile, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur lequel tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie », phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber ma joie devant toi en priant lui ôterait tout envie d'en prononcer. Et pourtant il l'a dit, et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 millions de civilisations n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il prend à parler comme ça sans t'arrêter? On est en tant que ta soeur pendant presque 3h30, parler, j'ai cru mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? Mais c'est une histoire de fou, c'est contagieux ou quoi? Ah si tu dois continuer, dis-le moi tout de suite, hein. Parce que je te préviens, avec toi ce sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre. Tu m'entends Louise? Je sors, je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. En tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle l'était, elle, sur scène. Ah bah oui, ah parce que c'est classique, c'est poli, parce que c'est de l'art, c'est poli, parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Ah, tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Mais ta sœur m'a torturé, tu m'entends Louise, torturé pendant toute la soirée. Oh, tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'extrême-orient aurait pu t'aider. Aider à quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental pétée. Ah oui, ça va pas trop loin. Je t'ai prévenu. Je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est à ta tête. Elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Mais un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Mais quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans rien dire, là, comme un lâche, sans broncher, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, j'ai vu. Tu l'as regardé, ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'est arrêtée. Pendant sa longue tirade, là, avec le barbu, là, le mari, ça n'en finissait pas. Je me suis dit, la garce. Elle nous a bien eu, là. 800 personnes coincées devant elle dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai été, mais je ne sais pas. Oh non, n'exagère pas. Tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un petit mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Il n'est jamais venu. Jamais. 5 actes sans une seconde d'interruption, Louise. Tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Juste un petit bravo? Qu'est-ce que t'es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Mais tu te moques ou quoi? Elle joue notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle a déclamé comme ça un morceau en plein milieu du repas, comme ça sans prévenir personne, même qu'après les enfants ont pleuré, qu'aucun invité n'a voulu danser, que mon père a gueulé sur le chat, mais elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est mon moment qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Oh, ben tu parles, la surprise, ça a failli que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Oh. Ah, il fallait que je t'aime, là, pour rester immobile à 20 minutes, le couteau planté dans le gigot. Pendant qu'on distingue, il peut me laisser sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça. L'intégrale en plus. Mais tu veux que j'aille dire bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Un kilo, Simone, vrai ou faux? C'est humain. C'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on a mis en tonge, ça compte quand même un peu. Pourquoi t'es venu, Jean-Claude? Comment? Plaisante? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Ben, tu plaisantes ou quoi? Parle-moi du monde. Ça fait 3 mois que tu bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La date du 15 octobre a été soulignée en rouge sur tous les calendriers et tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu pas Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Mais pourquoi? Et où? Hein? Où? Est-ce que tu peux juste lui dire où? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis « Oh !» Tu n'as même pas besoin de le dire fort, tu lui susurres à l'oreille « Oh !» Oh ! Oui, je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout, c'est le « Oh !» Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant « Bravo, vaux, vaux, vaux !» C'est surtout le haut qui résonnait « Vaux, vaux !» Avec, pour être honnête, un petit rien de « Vaux !» Voilà ! « Vaux, vaux !» Ce serait parfait. demande de dire vous à ta soeur. S'il te plaît. Vous? Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Ah, j'arrive. Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure que nous sommes en train de passer, là, piétiner devant sa loge, ça compte pour du bon? Elle se lave. Tu ne m'as quand même pas compté de la même façon Simone d'Enfer et Simone sous sa douche. C'est toi, je compte en ce moment, Louise, toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène. T'additionnes à ta sœur, j'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que moi, dis-toi bien, que si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sorglés par des lanières de cuir, traversaient un jour ma vie, je pars avec lui illico, illico. Sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte, Ascyatos, Ascophelos, Amykonos, où il voudra, et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacante. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Sélacante, c'était l'enfer? Non. On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. Koilos, creux, et akanta, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. Avant le singe. Ah, quand même. Oh, pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus. Et tu me le dis à la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! Jean-Claude! Ah, ma chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Tu as l'air toute bouleversée. C'est parce que... C'est parce que c'est une pièce qui parle fort aux femmes, oui, je sais. Non, c'est parce que... C'est parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir durant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Oui. Quand il t'a quitté? Le matin, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Tu m'as fait peur. Jean-Claude. Ouais, c'est incroyable. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens de ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens! Pauvre connasse! Salope! Ordure! Putain! Merdeuse! Mais enfin, Louise, qu'est-ce qui te prend? Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais à moi, tu ne me dis rien? Tu ne me dis pas bravo, Louise? Même pas, tu dis bravo? Thank you. dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Je ne te dérange pas. Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Quand c'est arrivé? Il y a une bonne heure, disons une heure et demie. Ah, c'est tout récent. Tu es le premier à le savoir. Ça me touche. C'est normal. Tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup? Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? J'ai l'impression. Bon, qu'à faire. Tu sais, ça fait longtemps que j'en avais envie. Ah, ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ça fait un bail. Tout môme, je me disais, André, il est drôle. Il n'est pas de tout le monde. Il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Aussi bien dans un premier temps, mais très vite mieux. Par étape, quoi. Exactement. Tu veux... Ça veut donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. Mais j'ai traîné. Hein. Lambiné, même. Ça devait te faire peur. Très. Surtout, après les repas le dimanche chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui, et au catéchisme. Alors, c'est pour ça. Je me lançais quand même dans un sacré boulot. Tu parles. Et puis, il y a quoi? 6 mois? J'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup? Non. Ça m'a pris un soir, quand je t'ai vu à la télé, parler de ton dernier livre. Tiens. Oui. Je me suis dit... Quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui se griffait les genoux, et puis la noyade de mamie, je me suis dit, bon, j'aurais pu raconter tout pareil, je connais tout ça par cœur, et en plus, l'accident de voiture du charcutier, que tu as oublié, entre parenthèses. Le gros Paul, exact. Parce que quoi, ton enfance, c'est aussi mon enfance. À 2 ans près. Enfin, à 2 ans en plus que moi. Enfin, à 2 ans. Ouais, tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi. Exactement. Alors quand j'entendais les journalistes qui disaient sans arrêt « On est saisi par la justesse » ou « Ce souvenir bouleversant » ou « La finesse de l'évocation », je me suis dit « Jacques, quand même, l'intelligence... C'est pas la mer à boire. Alors vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron? Ah, je ne crois pas, non. Un type très fin, très, très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos. Et maintenant, il a 3 salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup, d'ailleurs. Et c'est quand je lui ai dit que j'étais ton frère qu'il m'a engagé au talcage. Ah bon? Ah oui. Il m'a dit, le frère du grand écrivain André Lamothe ne peut pas rester sans travail. Vraie admiration pour toi. Je suis flatté. C'est pour ça, comme j'ai pigé qu'il aimait bien tes livres, et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, que je talquais des agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Et il a aimé. Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Bien ce type. Je t'ai dit, très fin, très sensible. Alors, bien sûr, je l'ai écouté et j'ai lu. Attends, j'ai tout. Bien. Tout. La rhétorique, la logique, les paradoxes. Le raisonnement, la satire, la pensée abstraite, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Comme les sentiments, par exemple. T'as bien fait. Oh, que oui. C'est que tu es une pointure. Alors, Je me disais sans arrêt, ce serait trop bête si j'arrivais à lui mettre trois longueurs, je sais pas moi, en dialectique, et que lui bifurque tout d'un coup sur l'amour ou la haine. Je suis marrant. Bien sûr. Remarque, les sentiments, ça m'a bien plu. Ouais, c'est très amusant, les sentiments. Oui, et puis, il y a beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Je ne me rends pas bien compte. Oh là, tu en as une dizaine qui comptent, pas plus. La pitié, l'envie, la jalousie. Tiens, la jalousie. Où c'est quelque chose? Il est costaud, celui-là. Allez, c'est un gros. Deux bouquins épais comme ça. Mais attention, hein. Pas l'envie, hein. Juste la jalousie. Ça ne m'étonne pas. Je peux te les réciter par cœur les deux. Oh! Oui, je t'avoue. Je ne suis pas mécontent. Et moi donc? C'est ce que j'ai pensé. Pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Tu peux le dire? Bien. Maintenant, je vais aller annoncer aux parents. Ça va les surprendre? Probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. De la peine? J'en ai peur. Mais pourquoi? Jacques. Maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman... Vas-y. M'ont toujours préféré à toi. Oh. Mais c'est bien normal, dis donc. Il n'y a pas photo. Ils n'allaient quand même pas préférer Concon. Ben, c'est pour ça. Quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi, tu connais bien les sentiments. Justement, tu es en train de me les faire défiler dans la tête. J'hésite entre pitié et compassion. Ou générosité. Enfin, je ne suis pas un spécialiste. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Pardon, je t'avais prévu que je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est pas mal, générosité. Ça va bien pour ce cas précis. Je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. C'est-à-dire que, pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors, j'ai envie de le montrer, de me promener avec devant tout le monde, de faire vrombir le moteur. Es-tu humain? Myriam, peut-être. Ton ex-femme? Oui, je pourrais aller lui dire, là, Myriam. S'il y en a une à qui ça peut faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Bien sûr. Savoir que finalement, elle n'a pas vécu pendant 10 ans avec un total crétin, comme elle l'a dit au juge, je pense que ça sera un vrai soulagement pour elle. Et ça voudra dire aussi qu'elle ne s'est pas tellement trompée en se mariant avec moi. Ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée. Comment ça? En te quittant. C'est pas fou. Tu sais, je la connais bien, Myriam. Je sais. Je l'aime beaucoup. Bien sûr. Sinon, tu ne l'aurais pas épousée. C'est pour ça. Je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Me semble. Oh, c'est ce que j'ai préféré apprendre, la logique. Moi, j'ai tout de suite accroché. Je l'ai étudié comme du petit lait. Ça se sent. Je ne vais rien lui dire à Myriam. Pas un mot. Je crois même que je vais même éviter de la voir pour qu'elle ne risque pas de s'en rendre compte. Ça piche si vite les femmes. C'est mieux pour elle. Merci la logique. Merci pour Myriam. Merci aussi pour mon patron. Ton patron? Oh, excuse-moi. Je vais trop vite. Là, tu vois, je ne maîtrise pas encore. J'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur. Alors forcément, j'en laisse toujours un ou deux sur le carreau. Désolé. Oh, je t'en prie. Tu y es? Vas-y. Par contre, il me semble aussi logique que j'aille. Ça va? Bien assis dans la fusée? J'ai l'impression. Parfait. Il me semble aussi logique que d'aller l'annoncer à mon patron. Oh putain, le choc! Je vois ici ses abdos. Le petit frangin, talcure d'agrès, devenu tout d'un coup plus musclé dans la tête que toi, André Lamotte, son grand homme, Le cul sur le tapis, monsieur Lasvado. Le cul sur le tapis. On te virait. Quoi? Là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme que tu dis toi-même sensible, subtil... Fin surtout, très fin, puisse laisser un poste de tel cœur d'agrès, au lieu d'imbécile suspendu au bout de part parallèle, un cerveau comme toi, il ne le supportera pas. Merde! D'autant qu'il est un peu responsable. Mon patron? S'il ne t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là? Juste, putain, juste. J'ai même peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Et ça, je risque de le payer cher. Chômage immédiat. Bon, alors, motus et bouche cousue. Je crois que c'est la sagesse. Sagesse, comportement éloigné des audaces et des outrances, tempérance, réserve et discernement dans les actions, connaissance et science telles que le concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance est un mal. Platon, le doute est le commencement de la sagesse. Aristote, le vrai courage c'est la sagesse. Euripide, le plus sage est celui qui ne pense pas à l'être. Volo, le monde avec l'auteur marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant. Cacher tout ça, c'est quand même dommage. Hein. C'est bon aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit, comme toi, qu'on soit content quand j'arrive, qu'on me pose des questions, que la famille me téléphone, pas tous les jours, bien sûr, un peu quand même, que j'ai des amis, des relations, des philosophes qui ont envie de me voir. On voit bien que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère. Je veux dire, à égalité. Même plus. Au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande si c'est même nécessaire que tu parles. Ah bon? Tu es tellement loin devant, tellement haut. Je ne me rends pas toujours bien compte. Comme pour le réacteur, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Je te le dis. Il vaut mieux que je la ferme, tu crois? Ça serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. J'ai l'impression. Bon, je vais y aller. Encore bravo, Jacques. Dis donc, j'y pense. Ça ne t'a pas peiné que je te le dise? Tu plaisantes. Parce que peut-être qu'avec toi aussi, j'aurais dû me taire. T'es sûr? Ça ne t'ennuie pas de savoir que je suis plus intelligent que toi? Et pas du tout. Et de la prendre de ma bouche en plus. Ah, je préfère de loin la prendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, tu es mon frère. Aîné, en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé? Et tu ne me déranges jamais. C'est vrai, c'est pas dit que ça se couvre. Tu veux que je replonge, c'est ça? Tu sais, Claudine, c'est très facile. J'en meurs d'envie. J'ai pas dit ça. Ah bon? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète. Tu crois que je suis sourd? J'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer. Juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge. Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin, au grand magasin, pour une fois. La vérité, c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Je t'embarrasse. Tu as honte. Honte de moi. La réponse, Claudine. 3 ans au rayon ménager. 3 ans j'ai travaillé au sous-sol. Grand ménager, précisément. Je sais, ça je sais. Et c'est la première fois que j'y retourne. En plus en cliente, en plus avec un mari. Moi qui étais vendeuse seule, l'un célibataire du grand ménager. Alors mets-toi à ma place quand même, Jean Betty. Et si j'avais une canne, une béquille, un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Tu ne vas quand même pas comparer un fauteuil roulant ah, une perruque Louis XV. Je vois. Tu préférerais présenter à tes ex-collègues de travail un mari avec des jambes mortes que tu pousserais devant toi sur l'escalator. Plutôt qu'un homme avec une perruque légèrement cendrée. Je rêve, Claudine, dis-moi que je rêve. C'est si dur de me faire plaisir. Un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Et si je craque? 15 minutes. Tu peux tenir, Jean. Ça ne durera pas plus, promis. On dit bonjour à Monsieur Mercier, le chef de rayon. Oh, la Claudine, la Claudine. Elle est si mal, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Quoi? C'est ce qu'il va dire en te voyant. Il est très spontané comme chef de rayon, Monsieur Mercier. On lui commande tout de suite le sèche-linge. Oh, la Claudine, la Claudine! Elle se paye un sèche-linge, la Claudine! Qui aurait pu croire ça? Il m'embrasse. On paye sans faire la queue. Je connais Martine, la caissière. Qu'est-ce que ça me fait plaisir, Claudine? Il est beau comme un turc, dis donc. Pas plus. Elle dira pas plus. Elle est courte, Martine. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. Et on s'en va. 15 minutes, pas plus. Tu l'enlèves 15 minutes et tu la remets. S'il te plaît. Si ça me reprend, comme ça, d'un coup, si j'en ai besoin, si j'ai le manque. S'il te plaît, j'aimerais tellement être fière de toi, Conforama. C'est un peu ma famille, Jean. Et ailleurs? Ailleurs? Oui, on ne peut pas l'acheter ailleurs, le sèche-linge, ailleurs que dans ta famille. J'en ai vendu tellement là-bas. Maintenant que je peux m'en acheter des, hein. C'est une revanche? Totale. Avec un mari, c'est une revanche totale. Et si j'ai une perruque Louis XV, ce n'est pas une revanche totale? Non. Ils vont se moquer. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. C'est mal un noble? Un noble à perruque, oui. Ça fait vieux. Ça fait ancien régime. Ils sont communistes, à Conforama. Je veux plus que tu me poses de questions, Jean. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. Mais j'ai tout essayé, Claudine, tu le sais. Tout. Pour arrêter de fumer. Mais rien n'a marché. Rien, sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Par amour, on peut tout faire. On peut tenir 15 minutes sans tabac. L'amour, c'est un bouclier. Mais la cigarette traverse l'amour chez moi, Pauline. Ça fait 3 ans que je t'aime dur comme fer. Et tu as vu la couleur de mes bronches? Charbon de gros, genre allumune sur le grisou, tout pète. Ne pleure pas, mon canard. Mon canard, tu tu l'auras ta revanche. On va aller au rayon grand ménager. Et je vais leur expliquer à ta famille. Et crois-moi, je suis fier de toi, Claudine. Fier d'une femme qui préfère un homme avec une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer au poumon. Fier de toi, oui. Le problème, Jean, c'est que ta perruque ne fait pas Louis XV. Elle fait Louis XVI. Non. Louis XVIII. Elle fait tante. Tante. Grosse tante. Fiop, Tarlouche. C'est les gens du quartier qui le disent, Jean. Quand tu passes, c'est ça qu'ils disent. Ils sont communistes, les gens du quartier. Je leur ai tout expliqué. Mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme, que les vrais hommes. Ils fument comme Churchill. C'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Seul devant des milliers d'avions allemands. Fallait être un solide gaillard. Et moi, j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama. C'est si incompréhensible que ça? Non, bien sûr. Ce serait la revanche totale que je revienne acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill. C'est tout à fait compréhensible, Pauline. Et pas avec quatre. Pédé! J'espère bien, dis donc! Jean! Claudine! Je veux pas que tu meurs, tu sais! C'est vrai que si tu as envie que je meure, je ne vois pas pourquoi on ira acheter un sèche-linge. Alors, si tu gardes ta perruque au rayon ménager, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. C'est pas assez. Ok. As you like. Merci. You're welcome. Là, d'accord. Là, c'est la revanche. Happiness is lighting your loaded eye at the window. Qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est une vieille phrase de Winston qui me revient. Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre. Que nous avons eu le plaisir d'interpréter devant vous ce soir sont extraites d'une œuvre intitulée Le théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes. Avec à la mise en scène, Dany. À la régie, son et lumière, Julien. Changement de décor, Karine et René. Et au costume, Donald. C'est classique. Les gens qui font comme c'est le fruit d'une réflexion collégiale. On en est aux remerciements, il ne faut pas oublier de remercier ceux qui nous ont aidés sur le plan technique, et notamment les salons de coiffure Les Filles de la Bresse et Philippe Laurent de Gérardmer. Auxquels il faut associer les opticiens Chris de la Bresse. Ils vont se remercier. Avec, dans les rôles principaux, Marie-Odile. Manu. Oh. Claude. Francis. Et Dany. Et Gérard. Ah, le théâtre. On sait bien que le théâtre ne peut pas exister sans la présence du public qui est un soutien réel et évident. Donc merci à vous pour votre présence motivante à chacune de nos représentations et pour celle-là en particulier, puisque c'est la dernière de la série. Nous allons passer à une autre pièce plus tard, bientôt. Et pour la générosité, bien que je ne sois pas un spécialiste, que vous ne manquez pas de nous témoigner, à cet effet, nous tenons un chapeau à la sortie pour à votre disposition pour recueillir vos précieux dons. Pour finir cette soirée, on a une petite tradition. On aime bien inviter notre public à nous rejoindre sur scène pour partager le verre de l'amitié que nous vous offrons. Et en vous souhaitant une excellente fin de soirée. Juste deux petites informations. Nous ne faisons pas ici que du théâtre. Nous aurons le plaisir le vendredi 21 octobre, donc très bientôt, d'accueillir un pianiste exceptionnel, Vassim Soubra, qui fera un concert exceptionnel dans nos murs à 20h30. Parlez-en autour de vous, venez en nombre, venez. Et ça sera un concert unique. Il faut en profiter. Et le 5 novembre, on accueillera un poète, Richard Rognier, dès 20h, et il faudra aussi réserver, bien entendu. Voilà. Je vous remercie de votre attention et une bonne soirée à vous. Merci. C'était donc le théâtre de la Bresse, le théâtre sans scène, remarquable, avec ses quatre sketchs de Jean-Michel Ribes. Toujours aussi remarquable, je les avais vus il y a quelques années, avec les quais d'allumés, enfin quelques-uns, j'avais vu notamment celui de Cocon, là, qui veut être plus intelligent que son frère. Voilà, ça me laisse des souvenirs, parce que c'était avec des comédiens dont un, je crois, a disparu. Et c'était vraiment, vraiment remarquable. Dans le faubourg de Balaze, dans le faubourg de Balaze, il y avait tant belle fille, l'on l'a, il y avait tant belle fille. Gué la ridon, la ridonnée, gué la ridon, l'on lire sur le chemin. J'ai cru bon de balayer la belle. Je lui ai pris la main. Gué la ridon, la ridondée, gué la ridon, l'enlire. À lui prendre la main, la belle m'a répondu : ne dérangez pas le monde. Je vais tout vous raconter. Gué la ridon, la ridondée, gué la ridon, l'on lira. Mon père m'a donné en promesse au fils de charpentier d'un bois. Là-bas, si en mariage suis obligé, m'en vais vous faire confidence. Que celui que j'aime est à mon côté. Gué la ridon, la ridondée, gué la ridon, l'on lira. Dans le faubourg de Balaze, dans le faubourg de Balaze, il y avait tant belle fille, l'on l'a, il y avait tant belle fille. Gué la ridon, la ridondée, fillette. Et maintenant, un petit détour par le collège du Tio, où des élèves du club radio, de Radio des Ballons, ont écrit des textes. J'essaie à l'heure actuelle de faire des ateliers rapides d'écriture qui aboutissent sur la radio. On continuera d'ailleurs au moment du printemps des poètes. Donc, petite séquence avec les cinquièmes du tuyau. Bonjour, c'est Radio Collège sur Radio des Ballons. Et aujourd'hui, on a écrit des textes pour qu'on les lise, donc c'est pas comme d'habitude. Et ouais. On va commencer avec celui-là. Ah, je commence. Alors, mon texte va parler de quelque chose de très intéressant qui n'est pas la personne qui est à côté de moi. Ouais. Par contre, ça va parler d'un des objets qu'il a dans la main. Ouais. Un ami a un méchant ciseau. Il se coupe toujours. Une fois, il a fini au bloc de l'hôpital de nulle part. Pour ne plus y penser, il fait des canulars téléphoniques. Quand il est rentré de l'hôpital, il a inventé l'anticoupe 3000. Avec ça, tu ne peux plus te couper. Maintenant, il est heureux. Bien, bien. C'est positif, ça. Celui-là, c'est un texte positif. Mmh. Voilà, ouais, bien. Puis c'est imaginatif. Il y a quelque chose de... Ouais, on y reviendra. À toi, Louis. Moi, je n'ai pas écrit un texte, j'ai écrit un poème. Oui. Sur le thème de la jeunesse. Ah, Louis n'arrive pas à mettre son anticoupe. Jeunesse, je n'arrêterai plus de penser à toi. Jeunesse, toi qui as bercé mon enfance. Jeunesse, merci de m'avoir transformée en roi. Jeunesse, c'est toi qui es là et à qui je pense maintenant. Jeunesse, qui me rappelle tant de souvenirs. Jeunesse, qui m'a fait vivre. Jeunesse, trop belle pour finir. Bien, un poème, donc c'est joli. Alors, vous pouvez expliquer l'un et l'autre comment on a abouti à ces textes, puisqu'il y a eu un processus qui a fait que vous êtes parti. Vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs ce que vous avez fait au départ. Alors au départ, oui. On avait un mot, un seul. Mot. Moi, c'était blessure, et Louis, c'était jeunesse. Jeunesse, ah oui. Si on n'aurait pas deviné. Hein? Si on n'aurait pas deviné. Oui, et à partir de ce mot, qu'est-ce que vous avez fait? Déjà dans un premier temps. On a mis plein d'autres mots. Donc moi, par exemple, les mots en rapport. Oui. Sang, mal, hôpital, ah oui. Urgence, amputé, main, pied. Oui. Et toi, jeunesse hein? Enfance, souvenir, école, amis, sport. Ouais, et en fait, il s'agit d'un exercice très simple où on met un mot, on le met, et puis en étoile, on fait surgir des tas de mots que ce premier mot, racine, évoque. Et on aboutit à tout un réservoir de vocabulaire à partir duquel vous avez écrit. Bon, pourquoi tu as choisi blessure, toi, Harry? Alors, je n'avais pas d'idée, et comme j'ai vu la main de Louis, ça m'a donné une idée. Ah bon, à la dernière fois, alors? Oui. Ah, d'accord. Et il l'a toujours. Ah bon, c'est une. Oui, c'est un démarrage. Bon, c'est moi qui l'ai dit à moitié. Et toi, Louis? C'est venu comme ça. Oui, jeunesse, parce que ça te. Je suis pas. Oui, parce que tu es encore jeune. Ben oui, on l'est toujours en espérant. Bon, bah écoutez, un premier exercice d'écriture qui en sera suivi par d'autres, puisqu'on essaiera de créer assez souvent des ateliers radio, poésie, écriture, histoire. Voilà, écriture. Voilà, merci les deux, Harry et Louis. Ça a été Radio Collège sur des Ballons, et on se revoit plus tard avec l'Anticoupes 3000. Très bien. Ah oui, c'est pas mal. C'est quoi, tu peux développer? C'est à développer, cette histoire Anticoupes 3000. C'est un Anticoupes 3000. Anticoupes 3000, c'est marrant ça. Anticoupes 3000, c'est un ciseau qui C'est une protection de ciseaux. Une protection de ciseaux. Ah oui, 3000. Alors pourquoi 3000? C'est dans le futur. C'est futuriste, ça. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, c'est toi qui l'as écrit. D'accord. Ouais, très bien. Bon, pour toi, la jeunesse, c'est plus clair. La jeunesse est trop belle pour être finie. Très bien, effectivement. Bon, eh bien, bravo. Et à une prochaine fois d'écriture et puis d'émission. Yeah. Mama rispondait non plus par les nouvelles polyphonies corses. Et maintenant, on va revenir à la Sélénite, au moment du feu et de l'apparition de la lune. Sélénite qu'on a écouté tout à l'heure pour l'atelier d'écriture. Et maintenant, donc, alors on va écouter et on va dresser l'oreille peut-être parce que je ne suis pas sûr que les voix, certaines étaient un peu éloignées du feu. La prise de son, on va voir. Hein. J'espère qu'elle sera audible. Car il y a des beaux textes, des textes comme ça, spontanés, une espèce de slam spontané qui est né, puis d'autres textes aussi, en regardant la lune et auprès du feu. L'archange les suit. Le pardon, la compréhension, la colère, l'élan, la table, le lait, désordre secret. L'aridée des étoiles, le rideau se dévoile. L'œil de Cain, Georgie, Georgie de joie d'éternité. Regarde mon désir au fond de la lune. Fer à cheval. L'espace, avec Apollon. L'espace en guerre rythme l'humain qui explose. L'œuf. Crie à la lune déchirée. La sagesse. À la lisière des noirceurs. 10 octobre, hop, sombre, ce qu'automne rit en tonne. La foudre. Aux lisières du néant. Attendez. C'est ouvert, mais ça va aller. Contre-champ de l'azur. C'est chaud. Tiens, la peau de poteau, tu seras vachement bien. Je peux même le rapprocher du feu si tu veux. Cristal vert. Aime ton œil. Prisme. Le nez en l'air, l'air allumé. Le flair libertaire, le regard embué. Michael, avec Raphaël. L'âme farfadette qui s'échappe du tabernacle. À la Gabriel. Nuit, lumière, si vous voulez bien que je lise tout, l'une et l'autre, l'un et l'une, ils arrivent, s'enivrent d'amitié, étreignent un néophyte avec l'appétit de la nouveauté. L'intangible moteur pétarade en fleurs pulvérise le tragique, un facteur de l'éther échevelé, des mots qui giclent. S'échappent comme des frappes, mots charrettes, rappeurs qui surfent sur d'invisibles craques. Je suis pris, mais je me libère. Le papier tiré de la poche, quelques notes qui s'évadent de la pâte note encore désaccordée. Un réfugié afghan déclame à bol Farage Roumi en persan. Et toi, Rimbaud, ton bateau bourré, bourré d'exilés sur les mers, cimetières, ce qu'il nous reste d'ivresse au 21e siècle. Houellebecq empaillé, le ventre plein d'alexandrins qui renique le terrogne, l'époque. En avis de charogne, mais l'astre réverbère satellite lève l'aube, le son céleste du gong, inonde la voûte sélénite, une ode inspirée, poème à la lune pleine, un silence ardent pour cueillir l'animiste prière. Il y a aussi dans la nuit lunaire des rires et des applaudissements, l'éphémère à retentissement. Une voix sombre et posée ressuscite son manuscrit sorti d'Égypte, peut-être le dernier romantique ou crevé. Une odyssée fantasmatique aux ossatros érotiques avec le sel indien océanique. Un monologue classique s'offre en vibrant au banquet café macaroni. Le cœur chauffé à bloc d'une serveur toxin. C'est la raison détraquée qui ouvre la porte liberté. Les amis, leur visite. L'amitié qui crépite. Excusez-moi, j'ai rompu le projet. Je suis partie complètement dans le dernier poème que j'ai fait. J'ai pas coupé comme je vais donner la consigne. Je suis partie. C'est pas grave. C'est le dernier, oui. Donc, je reprends. J'avais donné en morceaux, en fait. Je reprends. Mais là, oui, ah oui, Vincent, vas-y, mais vas-y. Il était en morceaux, en fait. Mais puisque. Ah non, hein. C'est justement le poème. Du jour. Est-ce que oui, vas-y. Non, mais par rapport à ce que vous disiez, oui. Enfin, tous les trois, par rapport à ce que vous faites, vous avez pensé, si vous si vous murmuriez votre oui, ce que vous êtes en train de dire, et puis tout d'un coup, il y en a un qui monte, puis après il redescend, après c'est un autre qui remonte, mais ça reste toujours un murmure. Oui, sous la lumière. Oui, je ne sais pas. Non, vas-y, dis ton. Non, là, c'est simplement. Bah, si, vas-y. Après, j'en ai donné des morceaux, mais je vais le reprendre oui. dans sa continuité, parce que je l'avais donné en gerbe de bout de mot. L'aridée des étoiles, le rideau se dévoile sur la suite légère des espaces tambours. Chanson longue, glissement des filantes galaxies. L'espace en guerre rythme l'humain qui explose, pénible, magnifique, crie à la lune du ciré, à la lisière des noirceurs. 10 octobre, octe sombre, se cotonne, rit, entonne, aux lisières du néant, scandé contre champ de l'azur. L'envers du monde pulse, les trous noirs acidés, ondulations serpents de méduses grimaces. Un chant amer bat le tambour de l'absolu. Distorsion qui, douleur, appelle l'espérance. Elle jaillit derrière le blanc incandescent. Le blanc incandescent. Sélénite, martel, le désir flamme bleue que forgent les extrêmes limites, propulsant l'amour soleil à naître. Là-bas, en répercute de l'indicible mat, hâte du feu. Merci. Merci Vincent. Oui. Voilà. Suite de cet après-midi et en même temps. Ou lire un texte de quelqu'un que j'en avais amené. Mmh. Ça c'était. Il y avait le cri, et il y avait. Ah oui, c'était le poème de Ivan. Non. Je ne sais pas où je l'ai mis, c'est pas grave. Allez-y. Un autre pour Jérôme qui vient de dévisser, mais ça c'est. Oui. Il m'est venu comme ça tout à l'heure. Et, ouais. Et, je le. Non, je ah, oui, j'irai oui, peut-être oui. Le lire demain ou après-demain en le recueillant. Voilà, c'est un texte plus particulier. Hein. D'accord, c'est pour quelqu'un. Oui. Je ne connaissais pas Jérôme, mais le Honeck, mais la passion, la montagne, belle et terrible. Lui happé par le trou de lumière, toi brisé par la douleur du drame. Dans l'indicible, il reste, il est, et de sa tragédie, longtemps après, certes, longtemps après, son sourire héroïque transpercera le lieu qui a voulu le transpercer. Soleil des morts, c'est l'infini qui redit la vie au-delà des misères. Jérôme nous tend la main, nous fait signe, je suis là. L'agression m'a bouté rouge, l'oscillat de comme joue l'enfant vivant, dans sa crèche de paille, il effectue les premières opérations. Vient l'achèvement, salut des âmes, miséricorde, la transmutation, couleur du fleur de l'eau. Selon la nature, où rime te provenir, l'extérieur dès lors, ce n'est pas juste venir. La nuit gagnante en éclat, la forme lumière qui s'écrase, d'où puisent les philosophies, Junon œuvre avec esprit. Débouche et libération, sublime action hasardeuse, surprenante réalisation, magique opération. Ce dont nous sommes, c'est par sa qualité, et provient assurément. L'antimoine tabernacle, voix mystique des sérieuses étoiles et des études, regressum adulterum, regressum adulterum. Ah. Merci, c'est bon. C'est plus simple. Oui, je peux dire un petit poème de Prévert. Cette nuit-là, je regardais la lune. Oui, j'étais à ma fenêtre et je la regardais. Alors, J'ai quitté ma fenêtre, je me suis déshabillée, je me suis couchée, et puis, alors, ma chambre est devenue très claire. La lune était entrée. Oui, j'avais laissé la fenêtre ouverte, et la lune était entrée. Elle était là, cette nuit-là, dans ma chambre, et elle brillait. J'aurais pu parler, j'aurais pu la toucher, mais je n'ai rien fait. Je l'ai seulement regardée. Elle paraissait calme et heureuse. J'avais envie de la caresser, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et je restais là, sans bouger. Elle me regardait, elle brillait, elle souriait. Alors je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, c'était déjà le lendemain matin. Et il y avait seulement le soleil au-dessus de mes yeux. Chaque prévert. Oh, merci. Ciel relié, les forces d'en bas initiées, entretenues dans la nature, où le cheminement de l'humanité, propre des passions, méditation au combat, c'est un coq qui, en émoi, vient se manifester, libéré en force, en vérité on éprouve, comme du métal au creuset, nous sommes tous appelés, réenchantés pour permettre à ces lieux de nature d'entrer en ouverture et surtout d'envergure. Nous mettons avec intelligence en opposition la lumière, manifestation et circulation des courants éphémères, acceptant dans un être progressivement, nous dissimulons l'hermaphrodite logis, léger comme passion, délivrant de l'abîme très profond, d'où trône sa venue avec des niches au fronton, ancré en essai comme un cœur qui assis, porte son enfant tout en haut de la vie. La lame là-bas, là-haut, elle nous tempère de son encre. Il y a une croix qui danse, même si elle n'est pas pliée. Principe d'éternité, purification temporaire. Au sommet, la descente, vient les vents éphémères. Vulcana sanctum, les forces hermétiques. Regressui ad uterum, toutes ces voies hermétiques. Pleines de réalisation, nous débouchent ces méditations nécessaires en lutte, face à face, sans raison. Pardon, pardon, pardon, dans nos... Dominé, confession, un ange des malades vient visiter. L'astragale, qui éclot, rotation, une étroite étoile. Yes, merci. Ah. Oh. Et je suis Mathieu, tu vois, voilà, tu m'en parles. Ah oui. Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. Mini maquet, mini jupe, mini machet, lilliput. Il est mini docteur Schweizer, mini, mini, ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. Mini moquet, mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini, docteur Schweitzer. Mini, mini, mini, mini, ça manque d'air. Mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini. Mais je préfère les maxi, maxi moquet, maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer, maxi maxi ça respire l'air, maxi fer et terre maxus, maximum et maximus, maxi terre et terre maxus, maximum et maximus, maxi terre et terre maxus, maximum et maximus. Parole de Dutronc. Tu les as trafiqués. Ben, c'est Dutronc, j'ai tout récupéré Dutronc, mais je sais pas qui a écrit. Plagiat, direct. C'est peut-être écrit. Non, mais. Non, c'est pas écrit qu'il est. Voilà, c'était donc la Sélénite d'octobre. C'était une réunion des assises départementales de la culture au conseil départemental qui se sont déroulées donc mardi dernier. Or, juste un petit aperçu des débats pour terminer la soirée comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Voilà, retournons donc à Épinal mardi avec une prise de son, ma foi, dans une vaste salle qui est très sonorisée, mais bon, peut-être... très très sonore, on va voir. Voilà, en tout cas, c'est toute la culture du conseil départemental qui va se définir pour les Vosges jusqu'à 2027. sur le territoire vosgien. Très concrètement, on va vous donner le programme. Il y a deux tables rondes aujourd'hui. On va vous montrer ce qui va se passer dans la journée. Juste avant, on va laisser monsieur le président du conseil départemental ouvrir cette journée. François Vincent, un petit mot pour accueillir nos invités du jour. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Merci beaucoup pour votre contribution. Et en qualité de président du département, je suis très heureux. Bon, le début est assez confus, donc c'est là, j'avais préparé une version qui prenait un peu plus loin. Bon, on va quand même écouter et reprendre quand ça sera plus clair. Que nous sommes amenés à prendre pour l'avenir des logiens et des logiens. Je tiens à saluer les conseillers départementaux qui participent bien sûr et qui ont animé aussi ces assises. Je tiens à saluer. Bon, le son reste encore un peu mauvais, donc il y avait beaucoup de monde. Et François Vincent donc, a fait un discours dont je reprendrai effectivement quelques éléments un peu plus loin. Et puis, il y a eu beaucoup d'interventions. Notamment, j'ai remarqué, c'est quand même intéressant, la secrétaire générale du CDN, du Centre Dramatique National de Lorient, venue nous montrer, nous parler de ses liens, de ce qu'elle fait, de ce que fait le théâtre de Lorient pour la jeunesse. C'est intéressant dans la mesure où le théâtre du peuple, qui avait pour directeur Simon de l'Étang, eh bien, le théâtre du peuple perd son directeur qui va justement à Lorient. Simon de l'Étang nous quitte fin décembre. Enfin, il est encore à Bussan en ce moment, où va se dérouler demain, après-demain, l'Iliade. C'est complet, donc plus de place, mais voilà. Revenons à François Vincent. C'est un arbre sans fruit. Sans quoi ? Sans fruit. C'est important. La culture aussi, c'est ce qui me reste. Je crois que c'est Barreau qui disait, c'est ce qui me reste quand on a tout oublié. Il est important que un département rural comme le nôtre ne soit pas dépourvu des grandes politiques culturelles nationales, et c'est toujours notre angoisse. Nous avons toujours cette angoisse d'être les parents pauvres des politiques culturelles. C'est donc la raison pour laquelle, à l'échelle de notre département, nous déployons une politique culturelle ambitieuse. Et nous voulons aussi que cette politique culturelle soit la vôtre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour rédiger sur un coin de table trois ou quatre axes. Non, nous voulons que cette politique culturelle soit la vôtre, soit une politique partagée, et qu'on puisse construire ensemble notre projet pour l'avenir. Voilà ce que j'en dis simplement. Donc, je vous souhaite bien sûr de bonnes assises. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez faire un petit mot d'accueil avant de nous parler de ces assises et de pourquoi vous avez souhaité organiser ces assises? Alors, vraiment un petit mot d'accueil très rapide pour souhaiter la bienvenue à tous les acteurs du territoire au niveau culturel. Bienvenue dans cette assemblée, bienvenue dans notre collectivité. Et le reste a été dit par le président, on va pouvoir attaquer tout de suite nos assises. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? En fait, le schéma départemental de la culture s'arrête, hein, et nous devons renouveler notre schéma départemental de la culture pour 2023 jusqu'à 2027. Et pour ça, on ne peut pas le faire, le président l'a dit, on ne peut pas le faire sans les acteurs du territoire. Et nous ne souhaitons pas le faire sans les acteurs du territoire. Donc nous avons déjà réalisé sur le terrain trois réunions qui se sont passées à Corcieux, à Vittel et à Épinal pour avoir le bilan de l'ancien schéma, et puis pour tracer, on va dire, les grandes lignes de notre futur schéma, qu'on va écrire après cette journée. Donc sur les grandes lignes, nous avons ressorti l'implication du public et en particulier l'implication des jeunes. Comment on peut impliquer notre jeunesse encore plus qu'elle ne peut l'être au niveau culturel. Et puis, et puis la dynamisation de la culture sur notre territoire. Avec ce plan Vosges Ambition 2022-2027 qui s'articule autour de trois ambitions, on l'a évoqué rapidement avec M. le Président, l'attractivité du territoire, améliorer la qualité de vie des Vosgiens, les équilibres territoriaux, et trois grands projets stratégiques transversaux de la jeunesse, les services de proximité, la transition écologique, donc tout ça aussi au service de la culture pour tous. Oui, c'est vrai que lorsque nous avons écrit notre feuille de route, hein, le plan Vosges Ambition 2027, nous avons vraiment souhaité, et on l'a fait de la même façon qu'on vous propose aujourd'hui de réaliser le schéma départemental de la culture, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec les habitants, avec les Vosgiens, pour savoir ce que eux attendaient de nous. Nous sommes vraiment en attente, en fait, dans cette journée, nous sommes en attente de vos réactions, de la façon dont ça va être, de la façon dont nous, on peut vous aider, de la façon dont on peut mettre les choses en place. Donc, comme schéma qui sera voté au printemps, vous l'évoquiez, et il sera présenté également sur le territoire, pour toujours dans cet esprit de concertation. Une fois qu'on l'aura écrit, nous reviendrons vous voir, et puis expliquer un peu comment nous allons faire ce schéma de 2024-2027. Aussi des bruits de gens qui prennent des notes, alors c'est ça. Si vous me permettez, juste quand même pour bien préciser les choses, nous allons donc réécrire ce schéma départemental de la culture 2023-2027. Et pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, nous allons l'écrire avec un contexte budgétaire compliqué, difficile, puisque nous sommes, nous, collectivités, comme vous pouvez l'être sur votre territoire, impactés très fortement par l'inflation, par la montée fulgurante des énergies. Et c'est pour ça aussi qu'il était d'autant plus important aujourd'hui que l'on soit réunis pour vraiment être au plus fin de vos attentes. On ne pourra pas faire du surplus. Il va falloir vraiment qu'on écrive le schéma départemental dans une contrainte budgétaire importante. Et pour 5 ans, vous imaginez qu'on va être obligé de regarder un peu comment ça va procéder. Et à partir de ce moment-là, il faut que l'on colle au mieux à vos attentes. Donc ça, je voulais absolument le signaler parce que c'est d'autant plus important que vous soyez présents aujourd'hui et je vous remercie d'être aussi nombreux à ces assises. Merci beaucoup. Pour les applaudissements. Eh bien, je tâcherai de vous donner une quintessence plus audible de cette journée. Il y a eu beaucoup de moments, beaucoup d'intervenants et bien sûr, ça vaut la peine d'être décrypté. Mais pour l'instant, la nuit s'avance et nous allons nous quitter, nous, provisoirement. Il y a beaucoup de belles choses. Vous avez entendu un petit peu des programmes comme à la Bresse, par exemple. Beaucoup de bonnes choses qui vont se dérouler. Je pourrais vous citer aussi un atelier d'écriture qui va se dérouler le 30 octobre à Azraï, bon, c'est un atelier ami sur les objets qui ne sont pas si inanimés que ça, on va nous faire écrire. Bon, entre autres, Richard Renier le 5 novembre à la Bresse. Voilà quelques points, quelques jalons à la Bresse au Petit Théâtre. Quelques jalons, donc, vous pouvez noter ou vous inscrire à telle ou telle manifestation, sachant que, évidemment, il n'y a pas un nombre de places toujours énorme, et il est prudent de s'inscrire tant à Azraï que à la Bresse, si vous voulez en savoir plus, bien sûr. Pour la Bresse, c'est pas difficile. c'est s'adresser donc aux sans scène, vous trouverez ça sur Facebook ou à l'office du tourisme. Et pour Azraï, eh bien c'est la mairie qui peut vous renseigner. Azraï 54. Voilà, eh bien, bonne nuit et à bientôt. Wow.